59. Bon dimanche les amis sur Radio Resto, ravi d'avoir passé cette nuit avec vous, avec du mix toute la nuit et ça continue jusqu'à ce soir. 48 heures pour agir, 48 heures pour donner pour cette 5e édition de Radio Resto et vous allez pouvoir vous réveiller en douceur et en bonne humeur avec ici c'est Radio Resto. Ça démarre dans un instant avec Vincent Lafont, avec Nicolas Baudon, avec Lily de Contact, avec Robert Libaud et évidemment Laura Tuffel de Radio Star Marseille. Et étant marseillais, ça me fait du bien. Mais non, mais j'ai commencé à Radio Star moi donc. Ça fait deux minutes, Laurent, il a déjà pris la vedette. On n'a pas commencé. Je crois qu'il nous a fallu à peu près 5 minutes de réunion pour savoir qu'on allait composer cette émission autour de Laurent. Laurent. Quelque chose de bien taillé. D'ailleurs, c'est plus ici, c'est Resto, c'est Laurent. Oh, D'ailleurs, attendez, je vais enlever ma veste parce que. Oh waouh! Wow, oh non! Non, c'est filmé. Oh, c'est filmé. C'est filmé. Il a ah oui, on a un suite Marseille aux couleurs du Ricard. C'est génial. Donc 7h-9h ici c'est Laurent Resto. Très bien. C'est un peu ça. Je vais aller dormir, mais je vais vous écouter. Merci Miko. Bisous. Bisous. Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi. Saviez-vous que les Restos du Cœur ont des activités autres que la distribution de repas ? L'association a diversifié ses services pour répondre aux demandes toujours plus nombreuses des Français dans le besoin. Je m'appelle Aga Jaco, je suis étudiante à l'ISCPA de Lyon et je suis allée me renseigner. Selon vous, quelles sont les actions menées par les Restos du Cœur ? Je suis allée poser la question aux Lyonnais pour le savoir. Et vous allez l'entendre, les réponses ne sont pas très étonnantes. Des repas qui sont distribués ou des points de collecte. Du coup, de la distribution de repas, de la distribution de vêtements, je pense. Après, je ne sais pas s'il y a des solutions pour aider les personnes à trouver de l'emploi ou ce genre de choses. Des distributions de repas, principalement. Justement, au fait de donner à manger, mais il y a aussi l'accompagnement en insertion, je crois qu'il y a une aide au logement. Donc, je pense à Banque Alimentaire, donc. Je pense à Banque Alimentaire, peut-être Vestimentaire. Vous l'avez entendu, pour beaucoup, la mission des Restos du Cœur s'arrête à la distribution de repas, mais en réalité, une multitude d'autres actions sont mises en place. On fait le point avec Jocelyne Fournier, RH au siège lyonnais de l'association. L'activité centrale des Restos du Cœur, c'est bien l'aide alimentaire. Il y a un deuxième pilier qui est l'insertion professionnelle. Ça fait partie des missions que Coluche voulait. C'était à la fois donner à manger, mais pas que. Donc donner du travail, aider à avoir un peu d'estime de soi. Alors, on a tout ce qui est aide à la personne. Et dans l'aide à la personne, il y a le microcrédit, l'estime de soi, l'aide à la recherche d'emploi, le vestiaire, les ateliers de français. On accueille des personnes, on leur donne pas seulement à manger, on leur donne aussi tout ce qui fait que dans la spirale de l'insertion dans la vie, dans la société, que les personnes se sentent de mieux en mieux. C'est pas qu'une aide alimentaire qui rend un peu dépendante, c'est une aide qui rend autonome. Et parmi ces autres services, nous retrouvons le vestiaire, un principe simple dont le but est de permettre au plus grand nombre de reprendre confiance en soi. Marie-Louise, bénévole, nous explique son fonctionnement. Vous aviez rendez-vous ? Les gens viennent tous les deux mois, ils ont droit à 5 vêtements, alors des fois on est large. Et donc on les habille de la tête aux pieds. On a les vestiaires hommes, femmes et enfants. Le vestiaire n'est pas réservé aux gens du centre, ils sont réservés aux gens qui arrivent. N'importe qui peut venir au vestiaire, on les servira. Une nouvelle forme d'aide donc devenue nécessaire pour les personnes accueillies que j'ai pu rencontrer. Ils ont aidé nous parce que j'ai besoin. Ah non, j'ai trouvé. Je suis content de ce qu'il m'a donné. Ça m'apporte parce que je n'ai pas les moyens pour acheter des vêtements pour mes enfants. Donc, je peux venir trouver des petites choses pour les habiller. Parce que ça nous arrange beaucoup parce que nous, on est asile, nous ne gagnons pas si tu ne travailles pas. Donc, les gens vous donnent le nourriture gratuitement et puis les habits aussi gratuitement, ça m'arrange beaucoup quoi. Vous aussi, vous pouvez aider les Restos du Cœur en donnant vos vêtements dans les points de dépôt près de chez vous. Et finalement, après quelques années, les hommes ont remplacé tes poupées. Et les glaïeuls posés dans ta chambre remplacent aujourd'hui les fleurs des champs. Et c'est le temps qui court, court, qui nous rend sérieux. La vie nous a rendus plus orgueilleux. Animateurs radio de France se mobilisent pour la petite enfance. Ouais. Ils nous ont pas fait un truc ouais. un peu spécialisé pour nous, parce que bah, quand on entend les meilleurs animateurs ouais. radio de France, on pense pas forcément à Lili, la province. C'est peut-être pour ça qu'on est le dimanche à 7h aussi. Ici, c'est Radio Resto, 7h-9h de bonne humeur, 7h-9h de mobilisation. C'est le cas depuis vendredi, ça va être le cas jusqu'à ce soir. Vous pouvez vous mobiliser, c'est le but pour Radio Resto, les Restos du Cœur et la petite enfance. Cette année, il y a des chiffres qui font froid dans le dos. 126 000 bébés entre 0 et 3 ans ont été aidés en 2023 par les Restos du Cœur. Un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. C'est pour ça qu'on se mobilise une fois de plus pour cette 5e saison de Radio Resto. Pour ça que vous pouvez faire des dons, Robin. C'est plus les camions frigorifiques. Non, ça y est, on a changé. Là, c'est des kits bébés qu'on va notamment fournir. Aucun rapport avec les bébés, du coup. Boîte de lait. Tu ne le mets pas dans le camion réfrigéré. La bonne nouvelle, c'est qu'on a bientôt atteint l'objectif. Vous avez, si vous allez sur radio.restoducœur.org, vous allez voir, il y a un biberon à remplir. On est à 98%, les amis. Les gars, le but, c'est de le faire tomber, enfin remplir. Déborder. Déborder. Oui, mais si on remplit, on fait comment? C'est les autres, ils font plus d'émissions après? Ah non, vous continuez. Ah non. On mettra un peu de truffe dans le petit pot de bébé après. Oh, très bien. Vous allez voir que les bébés, ils vont se régaler. On va vous présenter l'équipe rapidement. Vincent de Radio Scoop est avec nous bonjour, ce matin. Bonjour à tous. Vincent, il a son ordinateur allumé parce qu'il fait la programmation musicale de Radio Scoop. Exactement. Pendant ce temps-là. Vous écoutez quoi, les gars? Pierre Gardin. Ouais, bah Pierre Gardin, vas-y. Lily de Contact. Bonjour à tous. Laurent Artufel. Salut, bonjour. Excusez-moi, vous êtes le monsieur de M16 Boutique? Entre autres. Parce que j'ai acheté un aspirateur il y a 15 jours, je suis pas un mec. On a Robin Bibaud d'EatWest. Ouais, et moi j'ai acheté des pilules minceurs sur ton truc. Ça a pas marché non plus, je comprends. Mais t'es très dans la thématique minceur, parce qu'il y avait Comme J'aime aussi. Ouais, bah c'est bon, on va pas commencer à parler Comme J'aime. Attends, tu rigoles. Comme J'aime, c'est sur une autre radio, je crois. Benjamin Castaldi. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, bon, écoutez, on parle On embrasse Casta. On parle de tout le monde. Bien sûr. Bon, puis moi, je m'appelle Nico, animateur sur France Bleu depuis quelques semaines. On est là pour se mobiliser. Bah non, mais là, ça se compte encore. J'ai pas passé la période d'essai, les gars. Ah ouais, c'est vrai. Bon, on se mobilise 48 heures. Vous voulez faire un don pour les Restos du Cœur, un don pour la petite enfance. Vous allez faire un tour sur radio.restoducœur.org. Il y a un petit onglet pour ça. Il y a un petit onglet pour nous suivre aussi toute la matinée. Si vous le voulez, on est en direct sur YouTube. Ouais, n'hésitez pas. C'est Laurent qu'on vient d'entendre bailler à la radio. Il a pas baillé, il a fait. Voilà, merci. Il a pris son souffle, tu vois, pour l'émission. C'est très sensible ici. Hein. C'est transformé en Dark Vador, le gars. Ne lâche pas un prout, hein, parce qu'il est intransigeant, Romain, là, tu vois. Bon, c'est vrai qu'on le disait en préparant l'émission, on n'est pas forcément les noms que vous allez le plus connaître si vous suivez Radio Resto pendant 48 heures. Et sauf, du coup, Laurent, sauf Laurent, évidemment. Mais du coup, pour se présenter, on s'est dit qu'on allait faire interagir notre réalisateur Théo ce matin qui sort de boîte de nuit. Bonjour Théo. Salut. Bonsoir. Théo. Bonjour. Il sait plus où il est. Théo, ce qu'on va faire dans un instant, c'est qu'on va te donner une information qui concerne l'un des membres de l'équipe, et à toi de deviner quel membre de l'équipe a fait donc cette information. C'est un truc un peu compliqué, on va te mettre en difficulté Théo, j'espère que t'es prêt. Waouh. On va tenter. Restez là, cette séquence va être épique. Depuis jeudi, le pauvre. Je crois qu'il réalise depuis la boîte de nuit où il était. C'est vrai qu'il y a un petit décalage. Il est connecté en report-it, en fait. Bon, Radio Resto, restez avec nous. Ici, c'est Radio Resto, 7h-9h. Mobilisez-vous et mobilisez pour les Restos du Cœur. On se retrouve juste après. Pierre Garnier. Et Don't Stop Me Now. Non, ça c'est sur Scoop. Time I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time. Through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man. Ha ha ha. Queen avec Don't Stop Me Now sur Radio Resto. Radio Resto saison 5, ensemble. Ensemble pour financer le maximum de kits bébés. Et justement, les kits bébés, faut qu'on en parle parce que moi, je suis devenu papa, je découvre, mais c'est un gouffre financier. Ah, bébé, c'est n'importe quoi. Je crois que je vais prendre un chat la prochaine fois. Moi, j'ai un chien. Ouais, alors c'est les croquettes coûtent cher, mais les kits bébés, il faut savoir que c'est complètement utile. Il y a un enfant sur cinq qui vit sous le seuil de pauvreté, tu le disais. Alors, c'est super important. On est là, on est mobilisé. On est quasiment à 400 000 euros. C'est beaucoup, oui, mais c'est largement pas suffisant, donc on a besoin de vos dons. Mobilisez-vous et allez sur radio.restoducœur.org pour notamment faire des dons. Je rappelle que les dons, alors ça c'est le petit tuyau radin que je préfère donner, c'est déductible d'impôts. C'est-à-dire qu'en fait, si vous donnez 100 euros, vous défiscalisez et vous payez de votre poche que 25 euros. Ça vaut le coup, ouais. Donc c'est quand même quelque chose. Enfin, je suis pas en connaissance de cause parce que tu viens de l'acheter quelques pépettes. Mais c'est la coluche. Pardon ? Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Ça va, voilà. Mais n'hésitez pas, hein, c'est pas parce qu'on parle de 100 euros, oui. Vous pouvez mettre 1 euro et ça suffit largement, ça peut aider des petits dons pour des gros dons. Mais bien c'est ça. Beau. Mais, oh, mais alors, wow, on va le mettre en slogan. Bah, c'est déjà en slogan. Oui, voilà. J'ai une autre idée de slogan, 48 heures pour nous écouter, 48 heures pour agir. Wow. C'est pas mal ça aussi, les gars. Attends, j'en ai un. On compte sur vous. Ah oui, bravo. Oh, on le garde. Bon, c'est marrant, ça me dit quelque chose. Mais... Est-ce que c'est pas pour ça qu'on est en province? C'est possible. On apprend les infos, mais longtemps après, on n'a pas la fibre, nous. Ici, c'est Radio Resto, 7h-9h, mobilisé pour les Restos du Cœur, pour la petite enfance, pour vous raconter pas mal de conneries aussi. Et ce qu'on disait, c'est qu'on allait essayer de se présenter autour d'un petit questionnaire. Alors, on devait interroger Théo, notre réalisateur, sauf qu'on lui a donné le conducteur de l'émission, il a les réponses sous les yeux. Ouais. Donc, Mikos n'est pas encore parti. On va jouer avec toi, Mikos. Ce qui va se passer, c'est que je vais te donner des informations et à toi de deviner dans l'équipe qui a fait ces informations. Qui a, par exemple, mis un coup de coffre dans la tête d'Amir ? Il y a une personne dans le studio qui a mis un coup de coffre dans la tête d'Amir. À ton avis, qui ? Lily. Oh, wow. Ça allait très vite. C'est allé, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'était lors d'un concert. Il pleuvait et je lui dis attends dans la voiture, sauf qu'il est atteint d'une petite surdité au niveau d'une oreille. Il ne m'a pas entendu. Il m'a suivi derrière. J'ai pris le parapluie très vite dans le coffre et j'ai refermé le coffre sur la tête d'Amir. Très bien. Et il montait sur scène à peu près 2 minutes après. L'info, c'est surtout qu'il est à moitié sourd. Oui, aussi, ouais. C'est vrai qu'il y a une double info là-dedans. Bah, non. Ouais, non, il a une oreille. Enfin voilà, mais bref, c'est un petit handicap, mais qu'il surmonte très bien puisqu'il chante sur scène. Ça lui pose pas de problème. C'est le même jour. D'ailleurs, dans Sommet, là, il dit pas. Il règle son handicap, c'est pas ça. Non, sur 8, Amir. La vraie info, c'est qu'il était dans ta voiture. Oui, ah bah oui, je l'emmenais. Oui, bon, ça, c'est une autre histoire. Non, mais attends, elle l'a vu en slip aussi, Amir. Non, mais il y a toute une histoire. En fait, elle avait kidnappé Anne. Il paraît que j'ai été le réveiller le lendemain matin et qu'il était effectivement en pyjama, pas en slip. En slip. En pyjama. Il dort en pyjama, Amir ? Il avait un petit short en coton gris. Il était très bah non, on apprend des infos. Bon, Mico, bien, une question, une bonne réponse. Qui a joué dans les cordiers jugés flics dans l'équipe, à ton avis ? Wow. Vincent ? Ce n'est pas Vincent. Je suis ringard, mais elle est. Vous avez volé celui qui a vraiment joué dans un cordier jugé flic. C'est le feu, les cordiers. Non, ouais. C'est pas Vincent, non. Non. C'est une autre personne de l'équipe. C'est une autre personne. Ah. C'est là. Laurent. Pourquoi ? Bah, c'est notre vedette à nous. Hein. Non, mais c'est rigolo parce que quand on préparait l'émission, on regardait un peu le parcours de chacun. D'un seul coup, il y en a un qui a sorti ah, les cordiers jugés flics. Même moi, j'avais oublié. On essayait de chercher le parcours de chacun et il y en avait un seul qui avait une page Wikipédia. tout le monde a un Skyblog, mais il n'y a que Laurent qui a une page Wikipédia. Il y a tellement de choses sur Laurent qu'on va carrément faire une séquence sur Laurent tout à l'heure. As-tu fait ou as-tu pas fait ? Il va nous donner des informations sur lui et on va deviner s'il les a fait. Et ça sera entre 8h et midi. Est-ce qu'il y a un code promo 20% rentré ou pas ? C'est sûr. Qui dans l'équipe a essayé de draguer Adriana Carambeu en lui racontant des gros mythos ? Alors pas Lily. C'est une info par personne. Là tu peux éliminer Laurent et Lily. Ok, très bien. Et retiens bien cette phrase de manière lourde. Ah oui, mais on l'est tous. Donc c'est vrai qu'on est pas les. Il y en a qui sont quand même plus appropriés à la lourdeur. Il y en a deux déjà, tu vois. Ouais, bah Nico alors. Alors c'est pas moi. Non, j'ai pas. Tu dis ça parce qu'il y a ta meuf dans le studio ? C'est. Oui. Puis que j'ai pas rencontré Adrien Carambeu non plus. Là, c'est... Robin ou Vincent? Ah bah Robin du coup. Robin. Ouais, c'est Robin. Robin. C'est quoi, c'est pour autour de Comme J'aime? Ouais, c'était une pub Comme J'aime. Je tournais avec Adriana Carambeu, donc faut savoir qu'elle avait une petite nana qui était là pour lui mettre ses chaussons Dior entre chaque séquence filmée. Oh, putain. Donc elle enlevait ses talons. Il y avait une meuf qui venait. Elle est adorable, Adriana Carambeu. Mais du coup, j'avais un peu la pression et elle m'a demandé: et toi, Robin, tu habites où? J'ai dit: moi, j'ai une petite maison à Pornic, vue sur la baie. Il y a les parcs ostréicoles juste en bas. Tu peux venir si tu veux. Mais c'est magnifique, j'adore. Et après, t'as Marc Lavoine. T'as Marc Lavoine qui lui a écrit un texto. Et puis c'était foutu. Non, c'était à l'époque où elle était encore avec son mec, là, l'émir. D'accord. C'était la grande classe. Ah, c'est vrai qu'entre les deux, entre l'émir et Pornic, ouais, son cœur a balancé, bien sûr. Malheureusement, ouais. Bon, qui dans le studio a battu Gims à FIFA? Ah, Vincent? Non, à l'autre. Oh merde! Bah ouais, petite émission spéciale avec Gims, qu'on avait fait. Voilà, et du coup. Quoi, qu'est-ce que c'est? C'est sa grosse fierté. Ouais, c'est ma fierté. Ah oui, mais clairement. T'avais pris qui en équipe? J'avais pris une équipe. Pas Saint-Etienne? Non, j'avais pris un truc. J'avais pris un truc claqué au sol et il avait pris une équipe pas si mal que ça. Et en fait, faut quand même l'avouer, il est pas très bon à FIFA. Il passe du temps à jouer, mais je pense moins que nous qui sommes animateurs radio et qui ont beaucoup de temps. Ah, c'est pas que t'es bon, c'est qu'il est mauvais. Bah, je pense qu'il y a un peu des deux. Et Matt Pokora, quand t'as joué avec lui, tu l'avais. Aussi, battu pas. Aussi. Ouais. J'avais fait les deux en 3 jours. Tu joues avec tout le monde. C'est ça. Il y a des animateurs radio, ils font des interviews d'artistes. Moi, je joue à FIFA avec les gars. J'ai battu Gilbert Montagnier, mais c'est plus simple. Et qui dans le studio, alors du coup, ça va être facile, a pris une immense caisse avec Icar. Oh, je sais pas. Qui ça peut être? Tu veux qu'on mette un disque pour réfléchir? Non, tu le racontes surtout. En fait, c'est simple. J'ai fait un événement avec Icar, c'était il y a quelques années en arrière. Et après, on boit un petit verre et tout. On boit un premier verre, champagne, tranquille, etc. Et derrière, elle dit: bah, venez, on sort. On est sorti, il a pris de l'avance sur nous. Quand on est arrivé dans le bar, il avait déjà commandé 2 bouteilles de vodka. Et j'ai encore mal à la tête. Mais très très sympa. Icar qui était présent hier soir pour Radio Resto et tout. Et c'est un mec très sympa. Et depuis, il a totalement changé de vie. Il fait du sport, il boit plus rien. Il est. Il a fait un peu tous mal tourner. Il a fait l'inverse de Robin qui a fait Comme J'aime pendant des années, qu'il a lâché le truc quoi. C'est surtout Icar, il a passé une soirée avec moi, il a arrêté derrière. Non, finalement les gars. Icar qui était dans ce studio hier pour Radio Resto, je vous rappelle aussi, parce qu'on parle beaucoup d'appels aux dons, mais que les émissions, elles sont disponibles en rediffusion aussi. Juste après l'émission, elles sont podcastables et vous pouvez continuer de faire des dons, ça va se passer jusqu'en novembre. Vous pouvez notamment réécouter le plan A3 hier soir avec Manu, Laurent et Guillaume, que je vous... Non, Laurent, dit Guillaume, pas du tout. Laurent, Guillaume et Petit. Laurent, Guillaume, c'est son cousin. Non, mais vous pouvez réécouter toutes les émissions et nous suivre sur radio.restoducœur.org. Bon, restez avec nous. Ça aussi, on pourra réécouter? Ça, non, on va le couper au montage, je pense. On va retrouver Laurent Artufel qui va nous faire une séquence que vous faites beaucoup sur Radio Star. Le 20h du. Alors là, il est 7h22, donc ça sera le 20h du 7h25. Ce sont des infos que vous avez vues passer ou pas, que ce soit à la télévision, au journal, dans la presse écrite, sur Internet. Je donne le début et vous essayez de trouver la suite pour voir si vous êtes à la page. Et ça arrive dans 4 minutes. On écoute Tupac juste avant sur Radio Resto. California, West Coast, no sign of party. That's right. Tupac et California Girl. Vous écoutez Radio Resto, 7h-9h, notre émission. Alors attends, j'allais dire le nom de l'émission, mais je l'ai déjà oublié. Oui, mais ici, c'est Radio Resto. Ici, c'est Radio Resto. Voilà, c'est écrit derrière moi en plus. Les animateurs se réunissent pour la 5e édition de Radio Resto. Objectif, financer le maximum de kits bébés. Et puis c'est California Love, pas California Girl. Voilà, c'est voilà, ça. Exactement. C'est Radio Resto, donc jusqu'à 20h, vous pouvez faire des dons. Hein, 5e édition de Radio Resto avec un engagement fort, soutenir la petite enfance. Il y a des kits bébés. On finance en fait ça jusqu'à 20h sur Radio Resto. Le principe est super simple. Je vous rappelle ce chiffre qui fait froid dans le dos. Un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Donc les Restos du Cœur viennent en aide à ces enfants. Et vous pouvez aider ses enfants en fournissant un kit bébé composé d'une boîte de lait, d'un paquet de couches, des petits pots. Ça se passe sur le site de Radio Resto pour écouter Radio Resto et puis aussi pour faire des dons tout au long de la journée jusqu'à 20h. Ça se poursuivra après Radio Resto. Rendez-vous donc sur le site radio.restoducœur.org. On est déjà à 399 505 euros de dons. C'est énorme. Une boîte de lait et des couches, c'est pas la rituelle matinale de Laurent Arthur. Avec du whisky. Avec du Ricard. Du Ricard, bien sûr. Marseille. Ricard, oui. Marseille. Continuez de faire des dons et j'en profite aussi pour rappeler qu'il y a une application, l'application Radio Resto qui est mise en place, application sur laquelle vous pouvez aussi faire des dons et nous rejoindre et nous écouter, écouter tous les programmes 48 heures de radio non-stop au profit des Restos du Cœur. Laurent, on se fait ton 20h. Mon 20h perdu. C'est une séquence qu'on aime beaucoup. Autant nous les animateurs que les auditeurs dans la voiture, sous la douche, sous la couette, en train de prendre le café. C'est pour vérifier si vous avez suivi l'actualité, que ce soit l'actualité presse, à la télévision. Donc je commence le titre et puis à vous d'essayer de trouver la suite. C'est okay. Le 20h du 7h29. Apple prépare un iPhone qui va tenir la batterie. Oh, j'allais dire la même. Qui va coûter moins de 500 balles. Non, c'est pas ça. Qui téléphone. Non, c'est pas ça. Qui va se plier, qui se roule. On se rapproche. On se rapproche. Je vais faire un bédo avec. Exactement. En fait, Apple rêvait depuis longtemps de faire un vrai téléphone pliable. Ils viennent de déposer un brevet où il va se plier en trois comme un accordéon, en fait. Ah, okay. Donc, c'est Apple qui prépare un iPhone qui se plie. Vous y croyez en ces trucs-là? Parce qu'il y a le Samsung qui se plie. Bien, j'ai l'impression qu'au milieu sur l'écran, ça laisse toujours une petite trace après. Il y a des gens qui l'ont ramené, effectivement, parce qu'il y a une pliure qui s'est formée au bout d'un moment, Oh, d'accord. Bon, en plus, déjà que sans le fait de le plier, il coûte déjà 2000 balles. Le truc, je ne même pas avec la pliure. On continue. À Paris, la Tour Eiffel a perdu cette semaine des centimètres. Mais non, comment, c'est déco. C'est possible parce que la Tour Eiffel, elle change de taille en fonction de la température. Ça, elle a les pieds dans l'eau. Non, mais c'est vrai. Elle a les pieds sont dans l'eau. C'est pour ça que ça permet qu'elle puisse se pencher quand il y a du vent. Mais ça, on fera une émission spéciale Tour Eiffel une prochaine fois. Si on veut avoir des dons pour les restos, je suis pas sûr qu'on fasse cette émission Tour Eiffel. C'est les anneaux olympiques, non? Exactement. Voilà, on a enlevé. Oui. Alors, je vous explique. En fait, la mairie veut les garder jusqu'en 2028. Seulement là, ce sont les vrais des Jeux Olympiques. Ils sont très lourds, 28 tonnes. Et du coup, ils vont pas tenir pour l'hiver avec la température, la météo de cet hiver. Du coup, là, ils les ont enlevés. Ils vont les remplacer par des plus petits et plus légers. Ah, donc il y aura quand même des anneaux. Oui. Voilà. Jusqu'en 2028, jusqu'à Los Angeles. Par contre, il y a toujours Céline Dion au premier étage. on l'a laissé. Dans les magasins Grand Frais, on a découvert. Une histoire d'une bête surgelée ou un truc comme pas ça. Pas du tout. Non, vous êtes à l'actu, vous êtes à la page. Attends, c'est pas les pochons de drogue dans les bananes. C'est ça. C'est vrai. Mais oui, des pains de cocaïne ont été découverts dans plusieurs grands frais dans les bananes. Mais qu'est-ce que t'as foutu sur la livraison du coup? On te faisait confiance. J'ai fait livrer au Resto du Cœur, mais. Allez, un petit dernier. Pour financer sa campagne, Donald Trump lance. Des perruques. Non. Non, fond de temps. Une collection de fusils d'assaut. Non. Non, mais des goodies, des trucs personnalisés aux couleurs de Donald Trump. De ses cheveux. Orange, on se rapproche. C'est plus Des goodies. Non, non. Des tenues, des poupées. Genre, il fait un Vinted. Non. Avec les fringues de Donald Trump. Oh, bah, y a non, non. Beaucoup, hein. Ouais. Des poupées. Non, sa montre personnalisée à 100 000 $. Oh la vache. Qui sera en plus personnalisée parce qu'en plus, tu reçois une lettre de l'ancien président qui te félicite d'acheter sa montre. Okay. Donc, pour financer sa campagne, il lance un e-commerce, en fait. Mais la montre personnalisée d'un président, elle est jamais à l'heure, on est d'accord. On est Bon, Radio Resto, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez ce matin, on est en direct aussi sur YouTube. Si vous voulez nous suivre sur radio.restoducœur.org, le site internet sur lequel vous pouvez nous rejoindre et sur lequel vous pouvez faire des dons aussi pour les Restos du Cœur et pour la petite enfance. C'est la thématique, on se mobilise sur cette thématique, en tout cas pour cette cinquième saison de Radio Resto. On va jouer ensemble dans les prochaines minutes. On va se faire pour la vie, pour une nuit où tu ghostes. Voilà, ouais. Je vais vous donner trois noms, trois personnalités. À vous de me dire si vous voulez garder cette personnalité pour l'ensemble de votre vie. Juste pour une petite histoire de galipette, voilà. Ou alors sinon, il va falloir en mettre une de côté. Je pense que c'est là que la difficulté oui, peut-être, va avoir lieu dans les prochaines minutes. On écoute les Red Hot Chili Peppers. Un peu de musique. Oui, c'est bon ça. Ça, c'est si bien, vous êtes au réveil, vous vous dites oh, qu'est-ce que c'est ce dimanche, j'avais prévu de dormir, mais je vais écouter les zozos là. Zozos. On dit pas zozos. Alors à Saint-Etienne, oui, mais ici. Bonne année 82, Nico. Les Red Hot Chili Peppers avec Can't Stop. Vous êtes sur Radio Resto, il est 7h33. On est dimanche aujourd'hui. Merci de vous rejoindre et merci d'être mobilisé pour les restos. Best friend, east side love is living on the west end. Knocked out before, you better come to. Don't die, you know that you're the same. Les Red Hot Chili Peppers sur Radio Resto à 7h37. Pendant 48 heures, c'est Radio Resto, saison 5. Les Restos du Cœur, c'est aussi 126 000 enfants de moins de 3 ans, un chiffre malheureusement constamment en hausse. Alors ce matin, on continue, on donne évidemment pour financer des kits bébés. Des kits bébés, c'est composé d'une boîte de lait, d'un paquet de couches et de petits pots pour que les bébés d'aujourd'hui ne retournent pas au resto de demain, malheureusement. Et si vous connectez sur radio.restoducœur.org, vous allez voir, il y a un biberon qui avance petit à petit. Faut le remplir à 98%. Oh, c'est seulement frustrant. Vous pouvez le remplir juste avant 9h, ça serait le top. N'hésitez pas, faites vos dons, vous allez directement sur le site internet don.restoducœur.org. Chaque don compte, c'est hyper important, même 1 euro, on les prend. Et puis nous, on est là pour vous distraire avec pas mal de petites bêtises qu'on vous raconte avant 9h, avec Théodore aussi qu'on va écouter. Et oui, un artiste lillois, c'est pour ça que je l'ai choisi, puisque je représente Léo de France. Et donc Théodore, puis ça cartonne en plus, donc ça va être bien pour le réveil, ça. Et puis c'est hyper respectable, parce qu'il le disait, il gagnait très très bien sa vie avec ses vidéos YouTube. Il a décidé de totalement mettre ça de côté pour la musique. Il gagne beaucoup moins bien sa vie, mais il vit de sa passion. Théodore, on va écouter Moyer. Bon, sur Radio Resto ce matin, on se penche aussi sur vous. Tiens les amis, on va faire un pour la vie pour une nuit tu ghostes. Trois personnalités, à vous de me choisir et de me les classer par ordre de préférence. Avec qui vous passeriez une nuit, avec qui vous passeriez la nuit. Non, j'ai déjà dit la ça. La nuit, une la vie, ou on ghoste. Ou alors si vous allez petite rencontre le soir, ou alors on ghost. Voilà, c'est ça. Ben, on va commencer par toi, Vincent, parce que t'as compris le jeu. Ça vient de lui, donc ça aurait été con. Vincent, je te donne trois personnalités. Alors, une lyonnaise, Florence Foresti, Jennifer Lopez ou Céline Dion. Alors, désolé Céline, mais je te ghost. Arrête! Céline. Quoi? Pourquoi? Je ghost Céline, c'est tout. Pourquoi? Bah parce que. Mais ça, c'est la tour Eiffel et tout. C'est quoi? Dire je ghost Céline. Ah, j'avoue. C'est pas parce que c'est Céline. Ça, c'est une phrase à la Laurent Artufel, quoi. Exactement. Ah bah, vous aurez une surprise avec Céline Dion tout à l'heure. Non. Arrête. Elle va nous appeler pour m'insulter en disant pourquoi tu me ghost? Mais je pleure si Céline Dion nous appelle. Non, qu'elle fasse un don et puis. Oui, voilà. Bon, tu ghost Céline. Céline Dion, je la ghost. Je me marie avec Florence Foresti parce qu'elle connaît bien Lyon et ça m'évite de déménager, etc. C'est plutôt sympa. Et Jennifer Lopez, voilà. Pour une nuit. Ouais, pour. Je peux venir? Pour filmer? Non. Je me suis fait avoir, je crois. Ok, Robin, Clara Luciani, Christine and the Queen ou Angèle? Je ghost Angèle. C'est vrai? Ouais. Non, écoutez bien, écoutez bien. Et pourquoi? Oh, Nico, il est pas bien sur cette séquence. Hein. Ah oui. Pourquoi je ghost Angèle? Oui. Parce que j'ai pas envie de me marier avec elle. Ouais. Et ouais, mais de la ghoster. Bah ouais, mais les alors, deux ghosté, autres on rappelle, choix sont c'est pas compliqués. On laisse de côté, oui, on la met de côté, on lui dit on salut, bloque son numéro de téléphone. Voilà. Je passe la nuit avec Red Car. Donc Christine and the Queen qui s'appelle Red Car maintenant. Mm-hmm. Je pense qu'il y a moyen d'avoir un bon gros délire et de passer une bonne soirée chelou en mode. Elle s'appelle Voiture Rouge. Ouais, Red Car. Oui. Ouais. Ça fait un moment. Elle te présente Turbo ou quoi? Elle a regardé. Oui, c'est vrai, elle, pardon. Donc la nuit avec Red Car. Christine and the Queen. Et je me marie avec Clara Luciani parce que c'est quand même la meuf la plus magnifique de l'univers. Et je l'imagine déjà comment elle sera habillée à son mariage. Elle aura une combi. À votre mariage. À notre mariage. Elle sera habillée en combi parce que elle a tellement la classe qu'elle peut venir en combi avec des petites bottines. Elle sera trop belle. Elle est grande hein, à côté de toi. Ça justement, peut... ça va être magnifique. Tu feras attention, tu baves, hein, quand même. C'est gênant pour tout le monde. Et elle vient de chez moi, de Marseille. Clara Luciani. Oui, bien sûr. Bah, Laurent, tu nous emmerdes. Il connaît tout le monde. Laurent, tu cours à toi là. Ça suffit. J'ai trouvé des personnalités marseillaises ou du sud. Soprano, Marina Kaye ou Brigitte Bardot. Ah, je ghoste Marina. C'est pas sympa ça. Oui, mais il faut bien faire choisir une. Elle est mimi comme tout, Marina. Oui, je suis d'accord, mais bon. T'as déjà un chien à la maison avec le sien, ça ferait deux, ce serait compliqué. Voilà, quoi. Exactement. C'est compliqué. Je passe la nuit avec Sopra parce qu'il a plein de trucs à raconter. On pourrait très bien se caler en haut de Notre-Dame de la Gare. Alors, la nuit, c'est pas pour parler. Hein. On n'a pas donné le programme de la nuit. Et je passe la vie avec bébé. Parce que la madrague, c'est plutôt sympa du côté de Saint-Tropez. J'aime les animaux. Et puis il reste plus beaucoup de temps. Donc, voilà. voilà. Donc l'héritage, je vais le toucher assez vite. J'avais cité Michel Miro, l'horloge tourne. Lily, oui. Une personnalité du Nord, Danny Boone, okay. Justin Timberlake et Amir. Ouais, bon, bah, il y a des évidences. Danny Boone, je gosse. C'est vrai? Ouais, bon, il est drôle, mais je bah, me quand même. Oui, alors je préfère le compte en banque du coup de Justin Timberlake pour une vie. C'est vrai qu'effectivement. Et pour une nuit, Amir. Maintenant que tu l'as assommé avec ton coffre, tu peux l'avoir parlé aussi. Hein. Faut que je me rattrape. Bon, restez avec nous. Attends, c'est trop facile. Tu vas en faire un aussi. Avec. Non, c'est une spéciale Radio Resto. Qu'est-ce que vous allez me faire? Tu te souviens hier, le plein à 3, on est passé et tout, voir Laurent Petit Guillaume. Il faut le dire correctement, ouais. N'est-ce pas, Nicolas? Non, mais bien sûr. Manu Lévy et Bruno Guillon. Eh ben c'est ton choix. À lequel je... Eh oui, tu gosses pour les murs, les gars. On t'écoute. Alors je pense que pour la vie déjà j'en garde un qui a un rythme matinal comme moi. Ok. Ouais. Donc je pense que j'y garde ou Bruno ou Manu. Ouais mais faut choisir. Écoute, on va garder. Je te dis juste Manu fait de la purée dans le lavabo. Voilà. Mais j'ai entendu ça hier. La mousseline lavabo. Alors du coup on va ghoster Manu. Voilà. Pour la vie on va garder Bruno et puis on va prendre Laurent pour une nuit. Oh bah, je pense il vient que d'appeler, il est d'accord. Bon, on vous raconte pas mal de conneries, hein, vous vous en doutez. 7h, 9h, c'est nous, la matinale des régions. On est là pour représenter bah, un peu toute la France. On a quadrillé la France aujourd'hui. On a Lily qui représente le Nord, on a Laurent pour le Sud. Vincent et moi, on est un peu dans le même coin, Lyon, Saint-Etienne. Ouais. Et on a Robin pour tout ce qui est Bretagne, Nantes. Pays de la Loire. Bretagne, tu assimiles Nantes avec la Bretagne ou pas? Ah, arrête un petit peu. Alors, c'est la capitale ou pas? Excusez-moi, il y a Laurent qui vient de nous envoyer un message. Ok pour la nuit. Radio Resto, on va s'intéresser dans un petit instant au nom des artisans régionaux. C'est que généralement ils ont des noms assez insolites. On va jouer avec leur nom. On va vous demander si la personne dont on parle est artisan régional ou acteur de film pour adultes. C'est bien pour les enfants, la petite enfance. On a profité du fait qu'ils dorment encore. 7h44 et tout, ça va. On joue dans 2 minutes juste après Théodore. Bon réveil, c'est Radio Resto. Crocodile, je les crochets, les écailles, oh. Là-bas, il m'appelle le guépard, ça part vite, je fais que de remplir le PayPal. Je me trouve un peu trop fêtard, en ce moment, j'ai toujours l'esprit en pétard. J'ai toujours l'esprit en pagaille, avec mes démons, en ce moment, je fais la bataille. Tout se joue sur les détails, et je le sais, je le sais. Ils nous prennent pour du bétail, et je le sais, je le sais. Ils se prennent pour la kika, boum boum. Les mortiers sur la flicaille, boum boum. J'entends plus le bruit de la pluie, j'entends la guitare. Le jackpot, tout pour la famille, non, il m'en a pas de pote. Faut que je les appelle sur les barras, faut que la table et les soucis, je débarrasse. Là-bas, il m'appelle en dandy. Quand j'étais type, il m'appelait la Brandy. Moi, je me balade en cobra. S'il y a un problème, moi, j'appelle les grands bras. Ici, ça complote à huis clos. Et je le sais, et je le sais. J'ai du retard sur mon picot. Et je le sais, et je le sais. J'ai bien fait de ralentir le gaz. Et je le sais, j'ai retrouvé des cases. J'entends plus le bruit de la pluie. Ça sur TikTok, ça cartonne. Théodore, cool. Il s'appelle, il est Lillois et on écoutait Wayé sur Radio Resto. Pendant 48 heures, c'est Radio Resto, saison 5. Alors pourquoi on est là aujourd'hui? Tout simplement pour aider les Restos du Cœur et surtout la petite enfance, puisqu'il y a plein d'enfants qui nous écoutent peut-être ce matin, mais il y a encore des plus petits qui ont besoin de notre aide pour simplement manger, parce que c'est la base de tout en fait, tout simplement. Ils ont besoin de produits hygiéniques aussi pour survivre, donc n'hésitez pas. Ils ont besoin d'eux, les Restos du Cœur, ils ont besoin de nous, donc n'hésitez pas à faire des dons directement sur don.restoducœur.org. 1 euro, 2 euros, 3 euros, 10 000 euros, on prend. Oui. Et c'est déductible d'impôts, ouais. C'est-à-dire que pour un don, on prend toujours le chiffre de 100 euros parce qu'il est plus facile à calculer. Pour un don de 100 euros, vous payez vraiment de votre poche que 25 euros. Vous payez donc 75 euros en moins d'impôts sur votre prochaine avis d'imposition. Et là, on est à combien ? Eh ben, il y a 100 euros qui viennent de tomber justement. On est à 390 605 euros. 90 euros. Bravo. Merci à la personne qui a donné. Bravo. Ouais. Merci beaucoup. 7h47. Ouais, attends, ça va. Il vient de dépenser que 25 euros. Non, c'est génial, bravo, merci beaucoup. Radio Resto, ici c'est Radio Resto. Je vous rappelle aussi que vous pouvez à tout moment interagir à l'émission. Il y a un numéro du standard qui s'affiche si vous êtes sur YouTube juste en dessous. Alors, quel est ce numéro, Nico? Ce numéro, c'est le 01 850 90 600. J'ai sous les yeux, merci. Bravo, bravo. Bon, on s'est dit juste avant le titre qu'on allait faire un jeu. Il y a Nina Métayer? Non, c'est pas Nina. Ah non, j'ai confondu. Tu lui ressembles beaucoup. Ah non, alors là, il y a une ressemblance Nina Métayer de fou. Oui. À la technique de. Mais qui est Nina Métayer? Elle fait beaucoup moins bien les gâteaux, apparemment. Bon, on dit qu'on allait. On a dit juste. Mais les gars, c'est la meilleure pâtissière du monde. Ah bah, quand même. Bon, après. Calme-toi quand même. Après, écoutez, t'as d'autres affinités. Pourquoi vous me l'avez pas mis dans le pour une nuit? Pour une nuit, tu ghostes. Je connais Alex Métayer. C'est son père, peut-être. La rêve de chute. Bon, c'est dit juste avant. C'est une 612 boutique, ça. Je connais Mozart, je suis pas né en 1600 non plus. On s'est dit juste avant d'écouter Théodore qu'on allait jouer ensemble artisan régional ou acteur de film pour adultes. C'est Vincent qui s'en charge. Exactement, on fait ça très souvent nous sur Scoop, donc on va le faire aussi pour Radio Resto en ce dimanche matin. Je vous donne un nom à vous. Pardon. Vous faites ça sur Scoop? Oui, on fait ça sur Scoop. Et avec les auditeurs et tout, ils disent oui, je l'ai vu dans un film hier soir. Non, on fait pas ça avec les auditeurs, on fait ça entre nous. Ah ok, ah, d'accord. On aime le cinéma. On y va, c'est parti. Maxime Borin, à votre avis, artisan ou acteur de film Olé Olé? Alors Maxime, c'est Borin. Borin. Oui, parce Borin. Que sinon on a une petite idée déjà. Borin. Oh, artisan. Oh, artisan, ouais. Alors j'irais même plus que ça, je dirais qu'il est électricien. Maxime Borin? Non, il est plombier. Il est plombier. Bravo, bien sûr, il est plombier dans le Nord-Pas-de-Calais. Ah ouais, bah c'est pour ça. Exactement. Petit problème de tuyauterie. T'as son numéro parce qu'en ce moment ma chaudière elle est en rade. Attends, c'était un message subliminal ou c'est vrai, t'as vraiment la chaudière en rade? Je viens juste. c'est histoire nature. Le double sens, c'est bien compris. Bon, Maxime Borin, donc Maxime Borin, artisan. Ça fait deux points pour toi parce que t'as trouvé même le travail du monsieur. C'est incroyable. Billy Chappelle. Billy Chappelle, artisan ou acteur de film Olé Olé? Ça fait bien, les gars. Film de boule. Ouais, on est d'accord. Ça fait film. Bah, déjà, monsieur qui s'appelle Billy, déjà. Non, pour moi, il fait de la toiture. Billy Chappelle. Ah oui. Par contre, c'est quand même inquiétant qu'il y ait le mot Chappelle dans son nom d'acteur de film pour adultes. Chappelle. Chappelle, ouais, c'est à l'américaine. C'est Chappelle, c'est acteur de film Olé Olé, bien entendu, vu notamment dans le Jacuzzi du plaisir ou encore Luxure Excitante. Luxure Excitante, alors j'ai mené ma petite enquête. Il y a deux sets dans le télé 7 jours. Voilà. Je vous le dis. D'accord. Bon, c'est bien, mais c'est pas top. En termes de créativité, c'est pas ouf. Baptiste Le Sueur. Le Sueur. Le Sueur, à votre avis. Il fait de l'huile. Artisan ou acteur de film Olé Olé? Non, il est. Acteur. Moi, je pense qu'il y a acteur. Acteur de film. Ouais. Acteur? Ouais, mais film érotique M6. Artisan. Ouais. Tu vois? Film RTL9. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'il fait l'amour mais en survêtre. Attends, monsieur Laurent, il le sent artisan. Moi, je dis artisan, ouais. Artisan? Ouais, non, acteur. Et eh ben c'est une bonne réponse de Laurent, en plus c'est la Guiche du Rhône. Il est serrurier. Mais oui, c'est lui qui est venu la semaine dernière. Il m'a pris 1200 euros. C'est donc bien un serrurier. C'est donc bien un serrurier, ouais. Les serruriers, ils sont toujours, genre tu le dis, 1200 euros, ils sont toujours en horaire de nuit pour eux. Oui. Ils interviennent à 8h30, 9h du mat. Ouais, mais là c'est horaire de nuit, bien sûr. 800 balles. Ils te démontent tout pour bien te remonter après. Et ben si vous êtes serrurier, faites des dons pour Radio Resto si vous voulez avoir un peu de pépette. Radio pour Resto. Ils démontent tout pour te remonter après. C'est aussi le cas des acteurs de film Olé Olé. Donc on va continuer ce jeu acteur de film Olé Olé ou artisan. Benoît Clerc, à votre avis, Benoît Clerc. Il est... Toi, tout te parle. Ah, Benoît Clerc, pour moi, c'est une parodie de Vincent Clerc, qui est un joueur de rugby. Donc, c'est un acteur porno qui joue un joueur de rugby, je pense. Oh, oui, toi, tu es très, très loin. Qui la met entre les poteaux, du coup. Tu le fais un petit peu. C'est ça. C'est là, il est acteur de film. Acteur de film, allez, allez. Lily, ça lui disait quelque chose. Ouais, donc je pense y a un qu'il... truc. Eh bien oui, mais ce n'est pas acteur de film, allez, allez, vu notamment dans L'Or ou Sensuelle Rencontre. Tout est dans le titre. L'Or est sympa, jolie, chaleureuse, avec une très très belle définition de la tendresse, messieurs dames. J'ai l'impression qu'on est au Festival de Cannes, mais des fesses avec toi. Oui, exactement. Je suis Laurent Veille. Enfin, Laurent Demi-Veille. Je crois que j'en ai un dernier, mais je suis pas sûr. Allez, vas-y, demi-molle. Pierre-Olivier Clair. À votre avis, est-ce que là, c'est le frère de Benoît? Et qui font des films genre tu peux pas être acteur porno et t'appeler Pierre-Olivier, quoi. Ça dépend. Pierre-Olivier. Pierre-Olive. Pierre-Olive. Non, Pierre-Olive, c'est son nom. Pierre-Olive, c'est pas mal, Pierre-Olive. Ouais, Pierrot. Pierre-Olivier Clair, à votre avis. C'est quand il dit, dis mon nom, Pierre-Olivier. Quoi? J'ai pas dit le nom de ton père. Ouais. T'as raison, pour un acteur, c'est Pierre-Olivier. Ou alors il a très mal choisi. Moi, je pars sur acteur quand même. Acteur ouais. Non, il est artisan. Il est artisan, il est plombier, messieurs dames. J'adore les plombiers. Toujours une histoire de tuyauterie là-dedans. Il est dans l'ouest de la France, messieurs dames. Bon. Tu peux faire appel à Pierre-Olivier à tout moment. C'est pour tes problèmes de tuyauterie. Bah, notez son numéro de téléphone tout de suite. Alors, 06. Et te trompe pas de Claire, parce que l'autre, il était pas. Appelle le bon, Robin. Reste avec nous sur Radio Resto. On est là pour les enfoirés, pour cette cause de la petite enfance, pour les restos du cœur. Et ce qu'on va faire avec toi, Lily, c'est qu'on va tester un peu notre culture générale autour des titres des enfoirés. Oui, je vais vous demander de reconnaître qui chante au niveau des enfoirés dans leur spectacle qu'ils ont fait à travers les années. J'espère que vous êtes fort en blind test dans l'équipe, les amis. On va voir. Ouais. Non. Si. Voilà, c'est même plus du blind test là. Ouais, là c'est plus poussé encore. Perdu de recherche. Pour certains, oui. Bon, on joue dans 4 petites minutes. On écoute les Four Non Blondes juste avant. Puis je vous rappelle que Radio Resto c'est en direct pendant 48 heures de radio au profit des Restos du Cœur et au profit de la petite enfance. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur l'application Radio Resto et nous suivre aussi sur radio.restoducœur.org, le site internet où vous pouvez aller de toute urgence parce que vous pouvez faire un don grâce à ce titre et ce site internet. 7h53. Of this brotherhood of man, or whatever that means, into a crisis. Feel high enough. 25 years and my life is still trying to get up that creepy hill of hope. Les Fornan Blondes et What's Up sur France, sur Radio, wow. Radio Resto. Ok, si tu dis France Bleu, je dis Contact, Radio Contact. Mais on représente toutes les régions, voilà, It West, Scoop, Radio Star. Mais on est là pour Radio Resto, évidemment. Exactement. Et mobilisé jusqu'à 9h en ce qui nous concerne. Radio Resto. Et on reste mobilisé, évidemment, on continue de donner. Alors, tu disais tout à l'heure, si tu donnes 100 euros, au final, ça te coûte que 25 euros de ta poche. 25 euros, ça reste accessible. Bon, pas pour tout le monde, mais pour ceux qui peuvent le faire, faites-le. Et il faut savoir que là, c'est pour aider les enfants. Donc, il y a du lait, il y a des couches, c'est des kits bébés, c'est super important. Et c'est vrai qu'en tant que papa, on se rend compte que tout ça coûte une fortune. Donc, il y en a qui en ont besoin. Tous les enfants, ça devrait être un devoir de pouvoir avoir des couches, du lait et tout ce qu'il faut quand on est bébé. Il y a des chiffres qui font peur. Un enfant sur cinq qui vit sous le seuil de pauvreté, donc c'est pour ça qu'on a mobilisé cette saison pour cette cinquième saison de Radio Resto. On joue ? Allez, on va jouer à qui chante. J'ai récupéré des sons. On a cherché les noms des chroniques. Attends, j'ai bossé 30 secondes avant de prendre l'antenne. En gros, j'ai pris des chanteurs ou pas qui sont dans les enfoirés de toutes les années. Je suis allée farfouiller un petit peu partout. Vous allez essayer de deviner qui chante, tout simplement. Allez. Je cherche pas le titre, juste la personne qui chante. Oui, okay, d'accord. Théo, t'es prêt à la réelle ? Joue aussi chez vous. Allez, extrait numéro 1. Danny Boone. Facile, bien joué. Oh la vache, qui a trouvé ? Robin. Non, c'est Robin. Bravo. C'est une catastrophe. Mais il est bourré. Il est ch'ti, c'est du Nord. Calmez-vous. Mais ça va, je suis le droit de dire. Il joue le jeu, mais voilà, c'était bien Danny Boone. Bonne réponse. Extrait numéro 2. Bah ça, c'est Zoé de Zao de Sagazan. Non, ils ne chantent pas leurs propres chansons. C'est Zazie, bravo à toi, effectivement. Non, alors j'étais très mauvais sur le jeu d'avant, j'ai le droit de me rattraper. C'est vrai. Mais en fait, t'es fan des enfoirés, en fait. Peut-être. Zazie, cela dit, elle y est beaucoup puisque c'est la deuxième personnalité à comptabiliser le plus de participation aux enfoirés. 28, c'est Bruel qui est numéro 1. Donc et ça marche. Mimétique est troisième. Pas du tout. C'est Goldman. Goldman. Allez, extrait numéro 3. Attends, juste une seconde, excuse-moi, je précise, c'est vraiment dans les premières secondes, les amis. Ah, ok, vas-y. À la pêche au loup. Moi, je l'ai, mais je vais pas le dire parce que je vais vous laisser la place. C'est, je sais pas, Pierre Palmade. Eh non, il chante une lettre. J'ai reçu une Renan Luce. Pas du tout. Merde, à on vient d'en parler en plus. À Bruel. Non. On vient d'en parler. Goldman qui était venu en surprise donc en 2013 chanter La pêche au moule. Après, oui. Goldman, on l'a quand même pas souvent entendu chanter. Le droit un peu de se tromper aussi, quoi. Je veux dire. Alors là, c'est ma pépite pour le prochain extrait. Sincèrement, j'ai eu un fou rire en entendant cette personne chanter. Écoutez. Quand je perds mes repères, je joue de la musique. Oh, c'est dur. C'est très dur. C'est Laurent Suffel. On peut le remettre ou pas ? Vas-y, Théo. Quand je perds mes repères, je chante bien. Ah oui, chanteur. Attends, chanteur, acteur ? Chanteur, Corse. Ah, Patrick Fiori. Très bien. Et le dernier, c'est un petit peu pour Nico. Donc, attends avant un peu de répondre. Dernier extrait. Et aujourd'hui, je te reviens. Ah, c'est. Oui, c'est. Non, c'est pas Nicoletta. Mais... Non. On en parlait, c'est Mimi Mati. C'est Mimi Mati. C'est vraiment bravo, Nico. Dès que tu mets des musiques un peu vieilles, t'as Laurent, il se réveille. Il fait, c'est ma génération, ça se connaît. Allez, Radio Resto, on est avec vous jusqu'à 9h. Ici, c'est Radio Resto. On va écouter un titre d'ailleurs des Restos du Cœur dans les prochaines minutes. C'est Toute la vie. On va faire un petit point aussi sur l'info Radio Resto. Soyez les bienvenus, 8h. Allez, un petit peu dépassé, 8h02. Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Bonjour, je suis Mathieu Costaguta, étudiant en journalisme à l'ISCPA de Lyon. Dans ce reportage, je vous amène à la rencontre de bénévoles et de bénéficiaires des Restos du Cœur, entre lesquels un lien social parfois fort se tisse. Pour comprendre pourquoi cette relation est si importante à entretenir, direction le Camion du Cœur à Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise. bien que le camion à l'origine du projet se soit sédentarisé et transformé en un centre fixe, environ 250 personnes venues de toute la métropole lyonnaise sont toujours accueillies chaque soir à partir de 19h au Camion du Cœur. Fondé en 1985 dès le lancement des restos par Coluche, ce centre permet de créer un lien social primordial entre les différents acteurs. Mais avant de rentrer sur le site, les nombreux bénéficiaires attendent à l'extérieur. Une occasion de discuter avec ceux-ci afin de les mettre en confiance. Parmi les bénévoles, Léa s'occupe ce soir-là de surveiller la file d'attente. Bah là, comme vous avez vu, à force, bah, on se connaît en fait tous. Donc voilà, de discuter et d'apporter un peu de, voilà, de conversation à des personnes qui sont un peu parfois marginalisées. Et voilà. C'est quoi comme type de discussion? Est-ce qu'ils se confient à vous ou... Tout, on a tout et rien. Ça peut être le beau temps, ça peut être... Il y en a beaucoup qui ont besoin de parler, donc effectivement qui vont nous raconter leur vie, leurs derniers soucis, où ils en sont dans leur vie, et puis après des sujets d'actualité, voilà, comme tout le monde en fait. Hein. Ce lien social est notamment accentué par la disposition des lieux où les bénéficiaires peuvent manger ensemble sur place sur une des nombreuses tables installées. Romain, responsable de soirée, nous explique cette particularité. Alors, c'est le principe des camions du cœur. Pour nous, l'activité, c'est de la distribution alimentaire, mais de la distribution chère sur site. Pourquoi sur site? Parce qu'on est aussi là pour faire beaucoup de liens sociaux. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, pour répondre à la question, de bénéficiaires qui viennent principalement pour ça. Il y en a même certains d'entre eux qui viennent, qui mangent à peine, qui ne servent pas, qui viennent vraiment pour échanger. Donc, c'est un lieu d'échange avec nous, bénévoles, mais aussi entre eux. Voilà, il y a des réseaux d'amis qui se créent aussi là-dedans, ils se retrouvent. Parmi les bénéficiaires qui peuvent venir librement dans ce lieu, avec ou sans carte, Nadir, habitant de Villeurbanne, se rend régulièrement au Camion du Cœur dans ce but de tisser des liens. Bon, après, on va dire la chance d'avoir une capacité, on va dire, à être plutôt avenant et social, donc à plutôt être capable de parler, de discuter. Et j'essaye effectivement tisser un peu de liens. Ça permet aussi, on est un peu tous dans le même bateau. Enfin, on a tous du moins des problèmes. On y vient pas tous pour la même chose, mais on est tous là et ça permet aussi de ne pas se retrouver seul. Puis des fois d'avoir aussi des coups de main, des aides, des choses qu'on ne connaît pas forcément. Des coups de main qui sont les bienvenus pour les bénéficiaires à l'approche de l'hiver et du froid, lors duquel le lien social s'avère encore plus important à conserver. Le futur et le passé nous encombrent. Avez-vous compris la question? Non. Vous avez tout, l'amour et la lumière. On s'est battu, on n'a rien volé. avec et le les enfoirés, mais ouais, mais c'est ça. Mais j'ai plus le réflexe d'allumer le micro là depuis que. Sur France regarde Bleu, moi, c'est fonctionnaire le dimanche, ils allument plus le micro tout seul, quoi. Moi aussi, j'ai demandé à Lily d'appuyer pour moi. Sur Radio Resto, on écoutait les enfoirés. Radio Resto, on compte sur vous. 8h08, merci de nous rejoindre, d'être avec nous pour cette jolie émission régionale qu'on vous propose avec toutes les radios de France. Du coup, on s'est dispatché un peu. On a Robin qui représente la Bretagne aujourd'hui. Avec East West, ouais. Avec East West. On a Vincent qui est pour la région lyonnaise et même Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais, avec toi aussi. Oui, moi je fais Saint-Étienne. Ça va les gars, je trouve que l'entente est cordiale. Ouais, normalement, c'est un peu la guéguerre en fait. Entre Saint-Étienne et Lyon, quoi. Moi personnellement, je l'aime bien. Bon, après, il est en dessous, mais c'est pas. C'est Saint-Étienne. Reste à Saint-Étienne. On a Lily qui représente tout le nord de la France. Les Hauts-de-France, ouais, avec contact. Aussi, et puis on a Laurent Artufel qui représente. Marseille. À jamais les premiers. Vous avez bien de la chance. Sauf dans les audios. Oui, sauf dans les des radios. Vous pouvez donner aussi pour les restos toute la journée, une cinquième saison qui est mobilisée pour la petite enfance. Exactement, tout à fait. Alors, le chiffre, il faut le retenir parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Un enfant sur cinq vit sous le seuil de la pauvreté en France. Donc, on a besoin de vous pour financer des kits bébés. Et à l'intérieur des kits bébés, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a une boîte de lait, paquet de couches, des petits pots. Vous donnez sur le site radio. Alors, attendez, parce que radio.restoducœur.org. Vous avez la possibilité d'écouter la radio et de faire votre don. Même si c'est un petit don, vous n'êtes pas obligé de donner énormément. On prend tous les dons. Petit, moyen, gros don, c'est super important. On a besoin de vous. Et alors, un immense merci à ceux qui ont participé parce que depuis 7 heures où on a pris l'antenne, on a pris 200 euros. Ouais, je trouve ça énorme. Merci à vous beaucoup. Infiniment. On est à 98% du biberon à remplir pour l'objectif global. Vous pouvez le dépasser si vous remplissez un deuxième biberon. On est très, très content aussi. Vous pouvez le faire. On va jouer à Mix & Quiz, nous, ce matin, Robin. Carrément. Alors, en fait, chaque semaine, avec mon pote Jules sur East West, on s'amuse à faire un jeu qui s'appelle le Mix & Quiz. Donc, avant de venir, on vous a préparé un petit jeu. Le concept est simple. Je vais vous faire écouter des musiques, des enfoirés. Mm-hmm. Il faut essayer de deviner de quel animateur autour de cette table on parle, pour rappel, Laurent, Nico, Vincent, Lily ou moi. Attention, c'est parti. On vous a même fait un petit générique. Tiens. Oh. Ça me dit quelque chose, ça? Aujourd'hui sur Radio Resto, il y a Robin, Lily, Laurent, Vincent, Nico. Du lait, des couches et des petits pots. On compte sur toi pour les restos. Alors on n'a pas dit qu'on était chanteurs. Ouais, ça vous chantez aussi bien que Mimi Mathieu. Et Danny Boone réuni. C'est dur. Alors attention, c'est parti. Premier extrait. Il faut deviner de quel animateur on parle. Allez. Attends. Attends, attention au Ricard. J'arrête de boire. T'en as déjà pris 1, 2, 3, 4 chez Radio Star. Voilà l'image, le cliché des Marseillais. Et voilà. Bon, vous avez deviné, du coup, on parle de Laurent Artufel, évidemment. Deuxième extrait. Moi, je veux du maroilles, des frites au gras, devant des beaux mais froids. Ouais, des bonnes frites au gras. Alors, complètement bon Welsh là. Ah, ça c'est magnifique. Oh, ouais. C'est vrai. Ah, je pense que tu connais pas le Welsh, Laurent. Pas du tout. Vous n'avez rien non, à Marseille, à la on vie. Connaît le Welsh. C'est la même chose, mais avec du cheddar. Allez, troisième extrait. Si tu es stéphanois et que t'es encore là, c'est que t'es un peu con. Au foot toujours tu perds, tu vas rentrer en Uber, pleurer dans ta maison. Alors, on a tout essayé, on perd, on est mauvais. On a tout essayé. C'est pour les supporters de foot stéphanois. Ah, ce règlement de compte horrible. Je veux dire, tout le monde a une musique un peu positive. Moi, il fallait un truc qui m'a plombé l'ambiance. Elle est bonne, mais elle fait mal. Je suis désolé pour les stéphanois. Voilà, le week-end dernier, là, il y avait une journée portes ouvertes. Saint-Etienne a ouvert sa défense, 8-0. Voilà, on est solidaires, si tu veux que je vous dise. C'était pour la sortie d'FC25, en fait. C'est ça. Bah, il n'y a que FC25 qu'on gagne des matchs. C'est ça. Hein. On embrasse évidemment les stéphanois. Allez, c'est reparti. C'est pas ta mère à poil sur ce site de cul. Mais non, c'était Viviane, chez comme j'aime bien entendre. Quelle grâce, Bah ça je pense que c'est toi, c'est Robin, bien sûr. Et évidemment on parle de ma maman Viviane qui fait les pubs comme jamais. C'est vrai que tu parles de ta mère. Ah, je l'aime. Elle fait vraiment les pubs comme jamais. Bien sûr, elle fait les pubs comme jamais avec moi. Mais là-bas. Comment ça se passe? Vous faites elle fait des petites vidéos et tout? Non, on va à Paris dans les studios de Comme J'aime, elle a tourné avec Adriana Carambeu et tout. Oh, et elle s'est fait repérer parce qu'elle a fait une vidéo Comme J'aime avec moi où elle disait: moi je mange des yaourts light et je rajoute du sucre et de la crème fraîche. Vas-y, toi tu vas venir bosser avec nous. Ah, c'est bien ta mère en tout cas. Bien sûr. Et dernier extrait du coup. Je vais voir une pub avec Viviane surtout. Je te montrerai ça. Il habite à Lyon mais supporte l'OM. 15 heures par jour sur la bande FM. Il est un peu taré. J'espère qu'il est bien payé. Donc il bosse 15 jours Vincent, par jour, 15 heures par jour sur la bande FM. Vincent, et d'ailleurs sur son PC, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a vraiment un coup de, à tout moment il dégaine un titre sur la programmation de Radio Scoop. Exactement, de... tout à fait. Ouais. Alors il y a une heure j'ai programmé Pierre Garnier, ben je viens de le reprogrammer. Énorme. Voilà, c'est terminé pour le Mix & Quiz, bravo à tous. Eh ben merci Robin pour ce Mix & Quiz. On va continuer nous avec nos boulettes radio, on va s'intéresser à ça, voilà, parce qu'on est les animateurs régionaux, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas forcément les premiers noms auxquels on pense quand on fait un projet Radio Resto, quand on entend la voix dire les 50 meilleurs animateurs. Qu'est-ce, y a pas l'Astérix sur le dos, ça? On fait pas mal de moins boulettes. On fait pas mal de boulettes. Et on attendez, excusez-moi. Est-ce qu'il y a une musique genre de péplum ou quoi que ce soit, Robin? Est-ce que tu peux aller voir les... Les dons. Oh, les dons. Oh, waouh, waouh, waouh. Oh, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bah, attends, il faut que je fasse les calculs. Bah, vite oui, fait, c'est là. Ça. Attends. C'est Viviane. Viviane, c'est elle a... Attends. Il y a combien dans la cagnotte? On était à 390 705. 390 000. On est à 391 269. Quelqu'un qui vient de lâcher 560 balles. Bravo, c'est Viviane. Merci. Je suis sûr que c'est Viviane. Merci infiniment. On est là, nous, pour vous raconter des bêtises, mais c'est vrai qu'on se mobilise surtout aussi pour les restos, pour la petite enfance. On rappelle que vous pouvez faire des dons tout au long de cette matinée sur radio.restoducœur.org. N'hésitez pas, allez-y, même 1 euro, on les prend avec grand plaisir. Putain, mais ça, c'est le Mix & Quiz, des gars. Bon, on bouscule le programme, on va refaire un Mix & Quiz. On va parler de nos boulettes radio, on écoute. Juste avant ça, Madou et Mariam sur Radio Resto. Chanté pour la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques, Amado et Mariam. On les écoutait ce matin sur Radio Resto, 8h19. Radio Resto, bienvenue dans la saison 5. Vous venez peut-être de... Désolé. C'est toi normalement qui dois m'allumer. Assistante là, tu fous quoi? Vous venez peut-être de tomber sur Radio Resto par hasard comme ça, parce qu'on vous l'a dit, parce que vous êtes dans un taxi qui a branché Radio Resto. C'est la cinquième saison, la cinquième année, évidemment, du partage, de la solidarité, toutes les radios de France réunies, plus d'une cinquantaine d'animateurs connus, comme moi, et d'autres moins connus comme eux. On a commencé, je plaisante évidemment. Un gros connard. On a commencé vendredi soir, ça se termine ce soir. Donc n'hésitez pas à rester branché encore toute la journée. 1000 euros, c'est un bébé qui est accompagné pendant 2 ans, 500 pendant 1 an. Bref, vous faites ce que vous voulez comme don, on vous attend. Bien sûr, il y a des animateurs sympas comme nous, un peu moins comme Laurent. Voilà. Retour de balle. Radio Resto, pour ce qui nous concerne, ici c'est Radio Resto jusqu'à 9h. On quadrille la France avec la Bretagne représentée par Robin, avec la région lyonnaise représentée par Vincent. Laurent, c'est pour le sud, Lily, c'est pour le nord. Moi, je suis en région stéphanoise. Et du coup, on vous raconte pas mal de petites bêtises. On se dévoile un peu sur nos boulettes radio, parce qu'on en fait quelques-unes quand même sur les radios régionales qu'on peut représenter ce matin. À part Laurent Artufel. Oui, non. Il est parfait, Laurent. Il est parfait. Moi, c'est mon émission, la boulette. Non, mais quelles sont vos plus grosses boulettes? Vous avez pu faire en radio les choses qui ont peut-être pu, je sais pas, vous causer pourquoi? Moi, je veux bien exorciser en premier, parce que c'est vas-y. Un truc... Vas-y, Robin. Je pense que toi, tu connais cette anecdote, c'est en rapport avec Dadju. Oh oui. Elle est compliquée, cette anecdote. Qu'est-ce qu'il y a? Première fois de ma vie que je présente un concert. Donc, c'est un grand live, c'était à l'époque de Contact FM. Ouais. Je suis en arrière de scène et on me dit, va quand même te présenter à l'artiste, donc Dadju en question. Je ne connais pas Dadju, c'est au début de Dadju. On est en arrière de scène. Tu te trompes de Dadju? Non, écoutez, c'est limite, c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai transpiré pendant des années avec cette anecdote. Il fait noir, on est en arrière de scène. Je vais voir un mec, je pense que c'est Dadju. Je dis, salut Dadju, c'est moi qui vais te présenter sur scène. Il me dit, non, c'est pas moi Dadju, il est à côté. Je vais voir le mec d'à côté. Salut Dadju, c'est moi qui vais te présenter sur scène. Non, c'est pas moi Dadju, il est à côté. Le troisième mec, non plus. Les mecs se mettent autour de moi. Ils me disent, par contre, ce serait bien que tu commences à connaître tes articles. T'as quand même demandé à Vita, est-ce que t'es Dadju? Et c'est surtout la phrase que j'ai répondu aux quatre mecs, quatre baraques colosses qui venaient de se mettre autour de moi. Qu'étaient les Magic System? Non, c'était tous les potes de Dadju. Et là, je dis, je suis désolé les gars, mais il fait noir en même temps. Oh, la vache, Robin. Je me suis transpiré. Tu sais ce que c'est? Et tu passes ouais. Encore en radio, toi. Oui, c'est incroyable. T'as plus sur la même, du coup. La technique, c'est de le laisser monter sur scène et de le prendre en descendant. Comme ça, tu l'as vu chanter. Tu sais qui c'est? Bien sûr, pas bête. Bah non, mais je te donne le tuyau pour la prochaine fois. Vos boulettes radio qui se lancent? Moi, je parlais de son frère, Dadju, Gims. Gims, c'était ma première interview, ma première vraie grosse interview à Scoop. C'était en sortie de Covid, donc on faisait ça en distanciel par webcam interposée, etc. C'est encore le mot webcam, je suis pas sûr. Mais je le dis quand même, je suis comme ça, je suis un peu foufou. Donc, je commence l'interview et je dis oui, ton album et tout qui a pas tardé à sortir. Et là, il arrête de parler, il fait non, mais l'album est déjà sorti. Waouh! Wow. Et d'entrée de jeu, ça m'a mis dedans, ouais. Derrière l'interview, ça a été dégueulasse. C'est compliqué, ça. On l'a monté, mais je vous raconte, c'était horrible à écouter. Ah, et là, je me suis dit, c'est bon, c'est terminé, je ferai plus jamais d'interview de toute ma vie. Et au final, je sais pas, ils sont fous là où je travaille. Ils m'ont donné des interviews. C'est vrai que c'est compliqué quand tu fais des interviews d'artistes, parce que quand on sait pas comment faire au général et quand on ne connaît pas les artistes, il faut les toper dès le début. Ouais, bien sûr. Et en fait, il y a vraiment un exercice d'interview à faire où il faut trouver le moment où l'artiste va faire oh, comment tu sais ça? Mmh. Tu sais, en mode, tu lui provoques une réaction, ouais. Et direct, si tu lui fais un truc comme ça, à mon avis. Derrière, c'est oui, alors lui, c'est next, c'est bon. Ouais, ouais, non, de la chance à contact, parce qu'il était arrivé un peu en retard. Et donc, du coup, lui était un peu penaud, ouais. Et tout de ce retard. En plus, j'ai mis une mine à FIFA, donc forcément, après, le gars était détendu. Il avait joué de la flûte avec nous, d'ailleurs. Il a joué de la flûte. Il faisait flûte les jingles aussi. À la flûte et tout. T'es plus fort que nous, ouais, Gims. Ouais. C'était très, très drôle. Attends, c'est un Camoulox Gims avec une flûte en train de jouer des jingles. C'était vraiment très drôle. J'ai l'image, c'est ouf. Boulette Radio, c'est aussi une histoire d'interview, toi, Laurent. Oui, alors c'était sur Voltage. Je m'étais déplacé en extérieur pour aller interviewer pour le site d'action en fait. Ouais. La mode se réunit pour le site d'action, ouais. Pour récolter des fonds. Et il fallait à tout prix avoir quand même Pierre Berger, ex-compagnon de Michel. Yves Saint Laurent. Ah oui. et homme d'affaires. Donc le mec, tu vois, une fois que tu l'as, il faut. Ouais, voilà, tu l'as, ouais. Et c'était pas moi qui m'occupais d'appuyer sur enregistrer sur l'appareil, tout ça. Il y avait quelqu'un qui était là. Et puis on commence l'interview, je chope. Et pendant qu'on commence le truc, mon assistant vient me dire à l'oreille, attends, j'ai pas mis la disquette dans le truc. Oh, mais on était parti dans l'interview, j'ai dit tu fermes ta gueule, on fait Donc on a continué l'interview comme si c'était enregistré, parce que si j'avais dit à Pierre Berger, je suis désolé, on va recommencer parce que c'est pas enregistré, on se serait fait envoyer ouais, chier, sûr, mais direct. Il a quand même sorti le mot disquette. Hein. Et c'est à chaque personne. Et toi Nico? Moi ça avait failli me coûter un poste à l'époque de Chérie FM, où je faisais la matinale sur une semaine, je faisais souvent les matinales été, vacances, etc. Et en fait, on sortait d'une grosse réunion anticorruption, voilà, dire il faut pas citer de marque à l'antenne, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Et en fait, en lisant une info artiste sur Camila Cabello, je tombe sur le fait qu'elle va être égérie pour L'Oréal. Donc ouais. Moi, je donne l'info à l'antenne, je dis ouais, Camila Cabello égérie pour L'Oréal, mais je le glisse comme ça. Sauf qu'il y a pas une nana en voiture de L'Oréal qui entend l'info, qui se dit ah, il est sympa le gars, je lui envoie un gros carton de produits L'Oréal. Et comme j'étais en remplacement, j'étais rentré après chez moi et c'était arrivé sur le bureau de mon directeur d'antenne à l'époque. Qui l'avait reçu, qui m'a appelé, il m'a dit non mais tu peux te faire virer pour ça, je m'étais pris une balle monumentale quoi. En tout cas t'as les cheveux très propres. En plus là il a redit quand même trois fois L'Oréal sur Radio Resto. Non alors m'envoyez pas de cadeaux L'Oréal, c'est pas le but. Lily, t'as une boulette toi? Ouais mais moi ça concerne pas d'artiste ou quoi que ce soit. En fait c'est des cadeaux qu'on offre et on a des opérations de cadeaux. Alors soit on offre un très gros cadeau en fin de semaine, ouais. Soit c'est des cadeaux tous les jours. Et en gros on n'avait pas lu totalement le brief et écouté correctement en réunion et on a offert le très gros cadeau. Dès le lundi. Voilà. Donc, du coup, bah, après, Ram, hein, déjà, va trouver d'autres cadeaux pour quatre toute la semaine. Ah, bah, c'était horrible. Ouais. Toute la semaine, on a dû faire gagner. Ça a coûté une blinde à la radio. Ce qui est assez compliqué, c'est ça. C'est quand tu te trompes même de montant. Je faisais la matinale avec un copain, Louis, qui est maintenant sur Énergie le soir. Et en fait, on devait offrir 50 euros. Et il dit bravo, Micheline, tu gagnes 500 euros. Non, et en fait, merde. Il se rend compte au moment où il dit 500 balles qu'on va devoir payer les 500 balles. Et il s'est dit waouh, la tanasse. Ça fait 10 ans qu'il bosse gratuitement. Oui, parce que 10 ans, 500 euros, c'est le salaire d'un matinalier dans une radio régionale. On parle d'argent? Ouais. Donnons de l'argent. Donnons. Oui, il faut. Allez, Radio Resto, c'est ce qu'on fait tout le week-end. On vous demande un petit peu de sortir votre porte-monnaie, tout simplement, pour aider des personnes qui en ont besoin et des enfants de 0 à 4 ans qui ont besoin de manger, tout simplement. Si vous voulez aller faire un don, même un tout petit, vous allez sur radio.restoducœur.org. Il y a un petit onglet, faire un don, vous pouvez pas louper les roses. Et on sera avec une bénévole lyonnaise, bénévole des Restos du Cœur, qui s'occupe du coin bébé. Du coin bébé, en effet. Elle travaille dans le 7e arrondissement pour les Restos du Cœur et on va parler avec elle dans un instant. Voilà, voir la mobilisation un peu des gens aussi au quotidien auprès des Restos du Cœur, ça c'est quelque chose d'hyper important. Ah oui, non, là on est au Milan AC, là. Il y a les supporters qui chantent Quelqu'un fusionné, Sarah Perquetiamo. Sarah Perquetiamo. Bah, c'est le titre qu'on écoute. Qu'est-ce que tu veux que je vous dise? Quelqu'un fusionné, Sarah Perquetiamo. È un'emozione. Cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo. Io canto al ritmo del dolce tuo respiro. È primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo. Che te ne frega, sarà perché ti amo. E vola, vola, si sa, sempre più in alto si va. E vola, vola, Bienvenue sur Radio Resto avec Sarah Perchetti à 8h29. Le monde de la radio, ensemble pour les restos du cœur, c'est Radio Resto, saison 5. On se mobilise, 5e saison de Radio Resto avec un seul but cette année, la petite enfance. On s'intéresse vraiment à la petite enfance cette année puisqu'il y a des chiffres qui font très peur, notamment un enfant sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté. 126 000 bébés de 0 à 3 ans, c'est rien que pour l'année dernière et c'est le nombre de bébés aidés par les restos du cœur. Et là on se mobilise donc tout le week-end pour récolter des fonds et surtout pour les aider à vivre, si je peux dire même survivre pendant un an, grâce à vos dons et la cagnotte ne cesse de monter mais on est toujours à 98% les amis. 391 265 euros. C'est énorme quand même, mais c'est pas assez. Il reste 2%, il faut donner. Mais tu sais quoi, il faut y aller à coup de 1 euro, 5 euros, bien sûr. Donnez ce que vous pouvez en fait. Si chaque Français donne 1 euro, ça nous fait 67 millions à la fin. Bravo. C'est beau ce que tu dis. J'avais peur qu'il sorte une dinguerie, genre ça fait 48 milliards. Radio.restoducœur.org et on met aussi en avant ce matin les bénévoles des Restos du Cœur. Exactement, tout à fait. On va accueillir Martine qui est bénévole à Lyon. Bonjour Martine. Bonjour. Bonjour Martine. Bienvenue Martine. Merci d'avoir fait sonner le réveil en ce dimanche matin pour être avec nous sur Radio Resto. Alors Martine, on va se tutoyer Martine, si ça te dérange pas. Tout à fait, oui. On est foufou. Vous connaissez, vous êtes. C'est ma mère. Et du coup, Martine est à Lyon ou Martine est à la plage ce matin? Oh là là. Martine est drôle. Super. Martine va raccrocher. Martine, donc tu es dans le 7e arrondissement. C'est l'un des plus gros centres des Restos du Cœur à Lyon. C'est bien ça? C'est bien ça. Et tu t'occupes du coin bébé dans le 7e arrondissement. Du coin bébé, c'est ça aussi. Ça consiste en quoi, ouais, du coup? Ça consiste, mon travail à moi, c'est de faire les commandes pour les bébés et puis après de faire la distribution aux mamans qui passent. Et on peut acheter quoi, on peut récupérer quoi? Ça va être des couches, des vêtements? Principalement des couches, des petits pots et de l'hygiène bébé. C'est le principal en fait, parce qu'un bébé, ça bouffe, ça chiche, ça dort. Et le bébé à ça. Et Martine, tu fais ça depuis combien de temps? T'es bénévole depuis combien de temps au Resto du Cœur? 4 ans, d'accord. Et combien de temps au quotidien, Martine, tu passes pour les restos, pour aider les autres? Mon Dieu. Moi, normalement, j'y vais le lundi et le jeudi. Ouais. Le lundi, nous avons le camion du cœur qui nous amène tous les produits. Donc, il faut sortir tous les colis du camion, les répertorier, les ranger, les trier. Et ça nous prend bien quelques heures. Et le jeudi, moi, j'y vais du matin pour mettre en place les rayons du bébé. Et j'y vais à partir de 9h jusqu'à 16h30. Juste une question, Martine. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui pensent avoir besoin des Restos du Cœur, mais qui n'osent pas passer le cap et se rendre au resto? Il ne faut pas avoir honte et surtout, tout le monde peut en avoir besoin. Surtout pas. Surtout pas. Il faut venir. Et ceux qui viennent reconnaissent que c'est en fait c'est un lieu assez sympa. Comment t'as vu l'évolution des Restos du Cœur au fil des 4 ans où t'as bossé dessus dans ton secteur? De plus en plus de monde. Ouais. Donc de plus en plus de besoins et de dons. De plus en plus de besoins et de moins en moins de denrées alimentaires. Bon, et ben merci d'avoir passé un petit moment ce matin avec nous. Martine, c'est quoi là le programme pour la semaine pour les restos là? Eh bien là, lundi on n'a pas de camion exceptionnellement, mais après, ça sera la distribution le mardi, le mercredi et le jeudi. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles sur ta zone? Alors, au niveau des bénévoles, on en a quand même suffisamment. Okay. Et en plus, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent. Ah, c'est tout. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est très... Ils sont très appréciés. Oh, tu m'étonnes, oui, bien sûr. Martine, comment t'as eu le déclic pour devenir bénévole au Resto du Cœur il y a 4 ans? Comment ça s'est passé? En fait, j'ai pas eu le déclic. C'est ma cousine qui y était et il manquait de bénévoles à cette époque-là. Et elle m'a demandé d'y aller, donc j'y suis allée et finalement je regrette pas parce qu'il y a une très très bonne ambiance, on s'entend tous très bien. C'est vrai qu'on le voit avec nos bénévoles ici qui sont là tout le week-end effectivement, qui nous aident, qui sont franchement c'est des nounous pour nous, ils sont adorables, on les embrasse très fort et qui se mobilisent avec nous pour Radio Resto, vous êtes vraiment incroyables. D'ailleurs on va changer ta couche. Tout dans la bonne humeur. Je le souligne, on vient d'avoir un don de 4 euros, même 4 euros. Ah, c'est génial, merci beaucoup. Merci Martine. Franchement, bravo. Bravo surtout parce que c'est important ce que vous faites, c'est incroyable. Je pense que c'est très. Et c'est cool. Merci à toi Martine. Merci Martine. Des merci bisous, beaucoup. Bon dimanche. Et bravo à Vincent d'avoir trouvé une lyonnaise sympa quand même. Parce que Ah oui, on rappelle, c'est la Guéga Saint-Étienne Lyon. J'ai essayé d'avoir une bénévole de Saint-Étienne, mais vous n'avez pas le téléphone. Qui est la ville la plus? On va s'intéresser à ça parce que comme je le dis depuis tout à l'heure, on quadrille la France. On a le sud représenté par Laurent, on a le nord par Lily, on a la Bretagne par Robin, on a la région Auvergne-Rhône-Alpes par Vincent et moi-même. Et du coup, ce matin, on vous a trouvé des infos qui concernent les villes. Un petit classement que tu vas nous faire. Exactement, la plus impolie, la plus chaudasse, tout ça, j'ai tout. J'ai les chiffres. Eh bien, on va s'intéresser à ces chiffres dans les prochaines minutes. On file chez toi en Bretagne juste avant, Robin. Ah, ça, c'est des Zaout-Sagazan, elle est de Saint-Nazaire, donc en Loire Atlantique. Et ça, c'est une musique qu'elle a sortie il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Modern Love. C'est magnifique. Elle l'a chantée pour le Festival de Cannes. Exactement. Pour la cérémonie d'ouverture. C'est ça. Ah, c'est très calé. Moi, je l'appelle encore Zoé. Hein. Zoé de Sagazan. La même. Bienvenue sur Radio Resto. Toute l'équipe est là jusqu'à 9h et même jusqu'à ce soir pour faire des dons 48 heures de radio. Just the power to charm. I'm lying. C'est le nouveau titre de Zao de Sagazan sur Radio Resto. Vous nous suivez sur radio.restoducœur.org et sur YouTube aussi ce matin. Pendant 48 heures, c'est Radio Resto, saison 5. Et puis vendredi soir. Allez, ton micro, là, Lily, appuie-moi sur les micros, merde. Ah, bah, j'ai pas appuyé sur le mien, alors je vais pas t'aider. C'est quoi ton métier, Laurent, en vrai? Animateur, je suis pas technicien, moi. Je suis pas comme vous, hein. J'ai pas appuyé sur des boutons et à tourner des manettes. Ah oui, t'es co-animatrice, en fait. Depuis vendredi soir, vous vous mobilisez en écoutant Radio Resto, l'application, le site internet, évidemment, c'est la 5e édition. On continue. Cette année, on se focalise sur la petite enfance. On veut faire exploser le biberon, il faut le remplir. Faut le faire déborder. Alors allez-y, on vous attend pour les dons. Exactement. On joue un petit peu. Allez, vas-y, Lily. Allez, on aurait pu jouer à qui est la plus grosse de l'équipe, mais vous le savez, Robin serait parti perdant. J'étais sur le point de dire, elle est en train de me faire un compliment, mais c'est non, je rappelle que l'année dernière, tu as ramené un moulage de ton sgeg et que tu as posé au milieu de la table devant tout le monde. Ça, alors que Arthur, Manu Lévy arrivaient juste après, c'était génial. Et Manu n'a pas apprécié d'ailleurs, parce qu'en partant, il s'est assis dessus. Il m'a dit, dégage-moi ça. Sympa ton coquillage là. On va jouer. Quelle est la ville la plus? Donc, je vous donne un intitulé, je vous donne trois propositions, vous me dites à votre avis laquelle est la plus. La plus impolie, est-ce que c'est Lyon, Marseille ou Lille? Pardon. Marseille. Lyon, c'est Lyon. Lyon. Ça va être chauvin, j'aime bien. C'est Lyon, c'est complètement Lyon, effectivement. La plus polie, c'est Toulouse, pour info. Ok. Marseille est quand même deuxième. Oui, mais Marseille, pas non plus. Hein, oh, Laurent. Connard, c'est affectif. Oui, oui, c'est ça. Le haut con. Enculé. Vas-y, DVD, boule. C'est la liaison, chez vous. Vous la prenez à l'école, en fait. La ville la plus chaudasse, est-ce que c'est Toulouse, Aix-en-Provence ou Paris? Aix-en-Provence. Ouais. Ils sont un peu coincés, les Aix. Non, une petite vieille de plus de 65 ans à Aix-en-Provence. Ouais, c'est vous avez raison, c'est Aix-en-Provence, bien, effectivement. Ouais. Paris est deuxième. Tu dis, je suis pour Eric Ciotti, ils sont. Ce qui est rigolo, c'est que dans la troisième ville la plus chaudasse de France, c'est Boulogne-Billancourt. Ok, je m'étonne. C'est parce qu'il y avait le Studex avant. La ville où les gens sont les plus beaux, à votre avis, est-ce que c'est Bordeaux, Nantes ou Lyon? C'est pas Saint-Etienne, ça. Franchement, à Bordeaux, ils sont jolis. Ils sont beaux. Ils sont beaux à Bordeaux, ils ont leurs petits mocassins. Et puis il y a le soleil, donc t'es un petit peu bronzé. Faut pas qu'il parle. C'est hyper gratuit. Tu sais qu'on est écouté par toute la France. Là. Faut qu'il parle. Jeunet sur Bordeaux. Ouais, les Bordelais. C'est, vous avez raison, c'est bien Bordeaux. Nantes est 7e et Lyon 3e. Vous êtes pas mal, Vincent. Ça se voit pas. Le physique de radio, on en parle. La ville la plus moche de France. Aïe, aïe, aïe. Voilà. À votre avis, pardon, est-ce que c'est Roubaix? Roubaix, Le Havre ou Saint-Etienne? Roubaix, c'est magnifique. La ville la plus moche. Et qui a été désignée la plus moche. C'est Roubaix, Le Havre. Mais non, c'est pas possible. Mais les gars, Roubaix, ça a glow up de ouf. Hein. Alors, Le Havre. Très beau quartier. Je t'écoute, hein, tu vois, je te suis. Le Havre. Alors, Robin dit Le Havre. Le Havre. Moi, je dis Roubaix. Roubaix. Moi, j'avais dit Roubaix, mais il me dit que c'est Le Havre. Mais même si c'est Roubaix, je refuse le classement. Les gars, vous engueulez pas. Moi, c'est qu'un jeu. Non, c'est pas qu'un jeu, c'est ça. Moi, je dis Saint-Etienne. Parce que t'es lyonnais, c'est normal. Par principe, il dira Saint-Etienne. Et pourtant, t'as raison, Vincent. Bravo. C'est Saint-Etienne. Alors, je fais pas la maline non plus, puisque je vous dis que je représente les Hauts-de-France. Il y a quand même 5 villes des Hauts-de-France dans les 10 villes de cité. Ouais, c'est chaud. Roubaix est quand même deuxième et Le Havre troisième. Voilà, c'est le top 3. La ville où l'on parle le plus, Montpellier, Marseille ou Lille? Marseille, évidemment. On n'a pas de deuxième file, on a inventé la troisième file, on a tout, nous. Vous prenez des auditeurs à l'antenne, vous faites l'émission complète avec. Ah, total. C'est l'auditeur qui lance les disques. Ouais. Et il gagne rien, là. La ville la moins bavarde, c'est Lyon. C'est Lyon? Ouais, c'est Lyon, là-bas. C'est pas étonnant, c'est pas étonnant. C'est vrai que vous parlez pas trop? Ouais, mais parce que je sais pas, on a un petit côté pas sympa, en fait. Un côté associable? Ouais, exactement. Ouais. C'est bien de l'assumer, hein. Ah, mais moi, j'assume totalement, je suis pas très sympa. Mais on le voit. Aussi, hein. C'est un peu con, maintenant que tu le dis. Je suis très très con. Ah, ça me fait plaisir. Je suis très très con, bien sûr. Un don pour un gros con, allez, continuez. Allez, la ville où l'on trouve le plus de radins, Rennes, Nantes ou Lyon? Waouh! Ah, moi, je dirais Rennes. Ouais, Rennes. Je partirais sur Rennes aussi. Ouais, vous faites ouais, mais Lyon. Vous donnez quand même la bonne réponse tous. Hein. Rennes, effectivement. Nantes est 10e et Lyon 6e. Donc il va falloir changer ça, les amis nantais. Et il va falloir, les amis, pourquoi pas commencer par faire un don pour changer ça. Radio.restoducœur.org. On se mobilise pour la petite enfance pour cette 5e édition de Radio Resto 48 heures au profit des Restos du Cœur et donc de la petite enfance. Notre objectif, fournir des kits bébés. Qu'est-ce qu'il y a encore pris de l'argent, c'est pas possible. Allez, combien? Eh ben, on a repris 500 balles, les gars. Eh ben, merci, les amis. Bravo, mais merci, Viviane. On dit merci comme si on venait de nous donner, je sais pas, une boîte d'After Eight. Mais non, mais 500 euros, les gars! Merci, Laurent. continuer les amis. On vous a mis un petit biberon qui grimpe. Il est à 98%. Vous pouvez le remplir si possible. Bah, avant 9h, ça nous ferait plaisir, mais il va falloir donner beaucoup. Mais sinon, vous avez toute la journée pour le faire. On rappelle que tous les dons sont défiscalisables. C'est-à-dire que, grosso modo, par rapport à votre don, vous payez que 25% de la somme. Si vous voulez donner 5 euros. Ah merde, j'ai fait un. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Vous voulez donner 10 euros, vous payez de votre poche vraiment que 2,50 euros. Bon, alors du coup, si tu donnes 5 euros, ça fait 1,25 euros. Voilà. Tu donnes tu l'auras pas sur les maths. Sur les maths, tu donnes 3,50€. Arrêtez. 1,75€. Bon, donnez radio.restoducœur.org. On représente les régions de France ce matin. On a l'Auvergne-Rhône-Alpes représentée par Vincent. On a la Bretagne par Robin. On a le Nord par Lily. Moi, je représente la région de Saint-Etienne. Et puis, dans l'équipe, on a Laurent Artufel. Attends. Laurent Artufel. Monsieur Artufel. Au cours des petites réunions qu'on a eues pour préparer cette émission, on s'est rendu compte que Laurent, alors déjà, avait une page Wikipédia. Tu peux t'arrêter là. Laurent avait une page Wikipédia. Et on s'est dit qu'on allait faire une petite séquence autour de toi, Laurent. As-tu fait ou as-tu pas fait? Voilà. Avec des anecdotes sur ta vie totalement improbables, on va essayer de deviner si tu les as faites ou pas. Alors, je vous cache pas que c'était assez gênant de préparer ça de mon côté tout seul. Mais non, mais c'est bizarre de se dire. Le mec a écrit un livre, tu sais, c'est le premier truc qu'il nous a dit à la première réunion. Mon livre est à 25 euros, il est dispo dans toutes les boutiques. Je vous envoie le lien, mais vous en faites ce que vous voulez. Bon, après, j'aime pas trop parler de moi. Je vous ai déjà raconté la fois où j'ai passé la vie à tout seul. T'exagères, c'est tellement pas vrai. Bon, d'autres anecdotes sur Laurent Artufel que vous allez peut-être découvrir si ce n'est pas déjà fait dans les prochaines minutes. Dans 4 minutes même, le temps d'écouter Michel Berger. C'est ici, Radio Resto. Jusqu'à 9h, mobilisé pour les Restos du Cœur, 8h46. Comme on s'endort, calme et sans penser à rien, en fermant les yeux très fort, vivre. Il fait beau, je sors, je trouverai le bon chemin. Et je me sens mieux dehors pour vivre. Les fleurs et les animaux sont tous un peu de ma famille. On est tous partis de rien. Vivre. Torrent, ruisseau, regardez comme on est beau, on va vivre. Plante, plante, grimpez, sève, rentre dans nos corps. Venez danser sur la mort et vivre. Caillou dans ma main, pleure ton pauvre destin. Tu pleures parce que tu voudrais bien vivre. Dieu, écoutez-nous, nous relevons votre défi et nous lançons notre cri. Radio Resto Michel Berger et Vivre à 8h50. Pendant 48 heures, c'est Radio Resto saison 5. Cinquième édition de Radio Resto, les amis, avec un engagement fort, soutenir la petite enfance. Vous pouvez donner, et ce jusqu'à 20h, tout en écoutant Radio Resto sur l'application, sur le site de Radio Resto. Vous donnez pour financer des kits bébés, parce que oui, il y a des enfants qui sont dans la difficulté dès le plus jeune âge, donc des kits bébés. Il y a quoi à l'intérieur? Il y a une boîte de lait, paquet de couches, des petits pots, etc. C'est très très important. Vous donnez sur le site radio.resto du cœur.org. On en est à combien là en termes de cagnotte? On est à 91 869 euros. Il y a une personne 391 000. J'ai oublié 300 000. C'est que t'as pris 300 000 pour toi. Bon, du coup, depuis qu'on est arrivé, depuis 7 heures, on a pris quasiment 1 800 euros en dons. C'est génial. Bravo. Merci bravo à vous. Bravo. Merci infiniment. Et bravo, il faut continuer, bien évidemment, jusqu'à 20h. Puis ça va se poursuivre. On le disait tout à l'heure. Radio Resto s'arrête à 20h, mais vous allez pouvoir continuer de donner pour les enfants jusqu'au mois de novembre. Oui, parce que toutes les émissions seront ensuite en replay, en podcast, sur le site internet. Et puis sauf sur la nôtre, YouTube aussi. Oui, la rumeur court. Bon, dans cette équipe, on a Laurent Artufel, le vrai personnage, Laurent Artufel de Radio Star. On le voit aussi à la télé boutique, sur M6, bien sûr, aussi, évidemment. Dans des séries aussi, sur Netflix. Allez, là, il y a aussi Grand Soleil sur France 3 qui arrive. Là. Je crois qu'il faut qu'on lui fasse un jingle. Allez. C'est le moment de Laurent. C'est le moment de Laurent. Donc tu vas nous donner des infos et à nous de savoir si tu les as vraiment faites ou pas. Alors c'est pas que j'avais envie de faire un sujet sur moi, c'est que pendant les réunions à chaque fois vous vous foutiez de ma gueule. Fait Fort Boyard, t'as fait machin, c'est le rêve de ma vie de faire Fort Boyard. Tu sais ce qui a parlé? La jalousie. Bien sûr. Et t'as quand même croisé Félindra tête de tigre. Ah bah oui. Et la boule qui n'est plus là d'ailleurs. Oui bah oui, mais c'est classe de l'avoir connu. Alors j'ai fait ou pas fait Laurent Artufet ou pas fait alors Fort Boyard, Interville ou l'école des fans? L'école des fans. Ah, y en a un que t'as pas fait sur celle-là? Ouais. L'école des fans, je pense. Je l'ai fait, mais des coulisses. J'ai commencé la télévision avec Jacques Martin. Mais t'as quel âge? En 1997. Oh, c'était l'ORTF à l'époque. Laurent, c'est le gars qui réalisait l'appel du général de Gaulle. Il faisait la technique. Il était déjà là dans les coulisses. Et à l'époque, il pensait allumer le micro. Après, j'ai évolué, tu vois. Alors, j'ai été l'attaché de presse de Cyril Hanouna, l'assistant de Sylvie Vartan ou le boy de Maria Carré le temps d'une soirée. Ah, j'aimerais beaucoup que ça soit le boy de Maria Carré. T'as pas été l'assistant de Cyril Hanouna? C'est un truc de Sylvie Vartan, je pense. C'est Sylvie Vartan. Ah, Sylvie, j'y crois. J'ai été les trois. J'ai été pendant un moment l'attaché de presse de Cyril Hanouna quand il était au théâtre. Cyril Hanouna est une ordure. J'ai été l'assistant de. C'est le nom de la scène. J'ai eu peur parce que le mec a name drop comme ça. Cyril Hanouna est une ordure. C'était le nom de son one man show. J'ai travaillé avec Sylvia Bonhomme chez Moteur, donc qui était l'attaché de presse de Sylvie Vartan. Donc j'accompagnais Sylvie Vartan de partout. Et Maria Carré, c'est lors du un week-end Gay Pride à Disneyland. Il y avait un concert, tout le monde était habillé en blanc. Les personnes se reconnaissaient comme ça pour faire la Pride dans le parc. Et il y avait le soir un concert de Maria Carré. Il a commencé à pleuvoir et c'était avec Voltage, on faisait un partenariat. Et il y a une des assistantes de Maria Carré qui me dit « Oui, mais va lui tenir le parapluie sur la scène !» Du coup, je suis arrivé, moi, sur la scène avec le parapluie pour Maria Carré. Et j'ai dû rester là le temps de la chanson. Elle a sorti son miroir, elle continue à chanter, elle se maquillé pendant que je lui tenais le parapluie. Donc j'ai été le boy de Maria Carré. Et c'est là où je me dis qu'on aurait dû faire 3 heures là-dessus, les gars. En fait. L'an prochain, on fait 3 heures. Il sera tout seul entre 6h et 9h. Je suis le parrain de Céline Dion, le fils de Francis Huster ou le cousin de Patrick de Carolis? Le cousin de Patrick de Carolis. Bah, tu fais M6 Boutique. Bah oui. Et alors, quel rapport? Bah, il le fait, lui, non? Mais pas du tout. Non, ça rien à voir. De Carolis, c'était des racines et des ailes. C'était le patron de France Télé. C'est pareil. Le patron de France Télé, c'est le maire de Arles maintenant. Bah, je suis les trois en fait. Je suis le fils de Francis Huster dans un film qui s'appelle Julien l'apprenti. Je suis le vrai cousin de Patrick de Carolis et de Jean-Claude Godin, maire de Marseille. Mais je ne le savais pas quand je travaillais à France Télévisions que c'était mon cousin, le bon Gosse. Et je suis le parrain de Céline Dion et de René Angélil parce que c'est moi qui les ai intronisés au musée Grévin. Et quand tu intronises un people, un artiste au Musée Grévin, tu en deviens le parrain officiel. Bon. Donc René m'a invité ce soir-là. C'est fou. Je connais toute la famille et tout. Moi j'ai intronisé Francky Vincent. Pas du tout. C'est pas lui qui t'a intronisé plutôt. Un petit dernier. Je me suis marié avec Elodie Gossuin. Je me suis marié dans le désert de Los Angeles, dans la chapelle de Kill Bill, pour ceux qui ont vu le film, où je me suis marié à Saint-Tropez avec, pour témoin, un gendarme de Saint-Tropez, Michel Galabru. Moi je dis les trois. Les trois. Mais alors attends, mais t'as été marié avec Elodie Gossuin. Alors Elodie Gossuin, c'était pour le Morning Café, Morning Live. On avait fait venir le pasteur qui avait marié Britney Spears dans la Wedding Chapel. Ouais. Qui ça? Donc, il avait fait venir Britney. Britney Spears. Non. Britney. C'est BW. Britney Spears. Ok, d'accord. Donc c'était un faux mariage. Là, c'était pour déconner. Je me suis vraiment marié dans le désert de Los Angeles, dans la chapelle de Kill Bill. Et ils t'ont compris. C'est quand on dit Britney Spears. Britney Spears. Et à Saint-Tropez, je me suis marié à Ramatuelle exactement avec comme témoin Michel Galabru, un vrai gendarme de Saint-Tropez. Viens, on lance une chaîne Twitch ensemble. Juste, tu racontes. Allez. Et les gens, ils font des dons. Parce que vraiment, là, mon niveau de jalousie, il est monté jusqu'à mes gencives. Là, on continue de faire des dons, les amis, pour radio.restoducœur.org. Vous pouvez nous suivre. On va écouter Céline Dion, puis on va vous laisser en très bonne compagnie aussi dans les prochaines minutes. 200 balles grâce à Laurent Artichaut. Allez, merci. Céline Dion, c'est pour Britney Spears. Que vous accompagnez sur Radio Resto. Soyez les bienvenus avec nous, il est 8h56. Bon réveil. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent des heures, j'irai chercher ton âme. Dans les froids, dans les flammes, je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. peux vous dire que voilà, on dégaine Céline, ça fait l'unanimité ici. Bah ouais, dans le resto. On était en karaoké géant là. Je connaissais pas le titre, il est sublime. Magnifique. Bon, c'est terminé pour nous, les amis. C'est pas grave, on va vous laisser en bonne compagnie. Radio Resto, ça continue. Et on n'est pas loin d'un don de passer un cap symbolique, Robin. Alors en fait, on est à 98%. Il nous manque 25 euros de don pour arriver à 99% d'un biberon. T'as pas 25 ans, tu sais quoi, je les mets. Ben vas-y, t'attends quoi? Tu le dis, mais fais-le maintenant. Mais pour de vrai. Et tu sais quoi, mets 50 plutôt. Sébastien Baucher de Rire et Chanson. Bonjour. Qui vient de nous rejoindre en studio. On a Yoann Garin aussi de France Bonjour. Bleu. Pour le Tour de France Bluff. Ben c'était un peu ça avec vous d'ailleurs. Bah, il est ouf le monsieur en face de moi, t'as vu? Mais comment ça? T'as des graves de malade. J'ai travaillé en fait. J'ai fait avec le technicien. On a tout travaillé parce que sinon j'ai une voix beaucoup plus aiguë, tu vois. Je parle, ouais. Avec Yoann, on s'apprête à faire 2 heures d'antenne ensemble, on s'est parlé pour la première fois hier midi. Je lui ai dit directement quand je l'ai eu dans les oreilles, je lui ai dit waouh. Non mais c'est cool parce que ce Tour de France, on va le continuer justement. Bien sûr. Et on va aller voir toutes les locales de France Bleu qui vont mettre en avant les initiatives portées par les antennes locales des restos. Et il y a de très très belles choses partout en France. J'entends sa voix. Il est une glotte, elle fait. Reste à l'écoute. Yoann, est-ce que tu peux enregistrer mon répondeur, s'il te plaît? J'ai vraiment une voix de merde. On va se faire ça dans la déconne, c'est-à-dire qu'on a un gars de Rire et Chanson, un gars de France Bleu. Ouais. Ce que je vous propose pendant les deux prochaines heures, c'est de faire du rire et de la chanson sur la France qui est à peu près bleue. Ça marche. Bon, continuez de les suivre. En tout cas, le Tour de France Bleu avec vous, Yoann Guérin et Sébastien Baucher, pour la suite sur Radio Resto. On vous dit peut-être à la saison prochaine, on vous dit surtout de écouter Radio Resto jusqu'à ce soir et de donner. Et de donner, c'est super important. Bonne journée. Gros bisous. Bonne journée.